Parce que vous étiez à l'heure, ce qui est très bien. Donc, bon, on n'a pas la foule, mais on a sûrement la qualité. Puis, on aurait préféré que plus de gens viennent à la rencontre de Gaston Couté, mais ce sont les aléas. Ça va vous réchauffer, c'est voilà. Magnifique poésie, vous Voilà. allez voir. Même si c'est froid. Les aléas de ce qui se passe à Marseille. Non, non. C'est l'Italie, oui, Marchaud. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Elisabeth Pillet, qui, à l'occasion de la sortie d'un livre aux presses universitaires de la Méditerranée, c'est Presse universitaire de Montpellier, où elle travaille, elle dira ce qu'elle fait. Gaston Couté, le dernier des poètes maudits, il est sorti maintenant, ça fait un an, octobre 2011. Elisabeth Pillet, je l'avais rencontrée il y a une dizaine d'années à l'occasion d'un colloque autour d'Henri Poulaille et de la littérature prolétarienne qui avait été organisé par André Nott à l'Université de Provence. Elle avait fait une intervention qui s'appelait « La réception de l'œuvre de Gaston Couté, les lectures prolétariennes et les autres ». Donc, tu nous diras sûrement que Gaston Couté est une passion ancienne. Alors, pour nous, pourquoi on parle de Gaston Couté? Parce qu'on est pas mal de gens à adorer ce poète chansonnier anarchiste, qu'on a un peu redécouvert en... Ben, ça aussi, peut-être, j'en parlerai en détail, dans les années 76, avec Gérard Piron et Bernard Melien. Bernard Melien, dont on avait annoncé la venue, et il avait un contrat avec un vigneron aujourd'hui, je crois, qu'il était obligé d'assurer, donc... Mais on va passer... Donc, le livre, vous verrez, il y a un disque, donc il y aura des extraits du disque, c'est Marie-Vonne qui a fait plusieurs... spectacle ou lecture de Gaston Couté nous dira quelques textes. Alors, prévenir pour les puristes de Gaston Couté, il y a des, comme c'est du français en patois du Berry, donc c'est la langue française, mais un dialecte ou un patois du Berry. De la Beauce plutôt, Berry, c'est pas tout à fait là. Donc, il y a des mots qui sont un peu difficiles à comprendre, donc ils ont été adaptés en français. Voilà, francisé. On aura l'occasion de parler aussi des langues locales, ça c'est peut-être intéressant. Donc, c'est Elisabeth est maîtresse de conférence à Montpellier 2, membre d'un centre de recherche qui s'appelle le RIRA. RIRA, ça veut dire représenter, inventer la réalité du romantisme, la réalité de pointe du romantisme à l'aube du 21e siècle. C'est le RIRA 21. Tu participes à une revue qui s'appelle Humoresque, j'ai vu, avec des articles sur la littérature comique. Et puis, donc, ce livre, c'était un peu pour le resituer, parce que c'était quand même, il n'y a pas tellement de parutions depuis que Gaston Couté est mort en 1911. Donc, c'est important que, on est en 2011, c'est-à-dire un siècle après, sorte un livre important, je pense. Parce que, entre-temps, il y a eu quelques biographies qui sont sur la table et dont on pourra parler. Pendant la causerie ou après, donc je laisse la parole à lui. Donc tout de suite, je passe à ce poète magnifique que je pense que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et si c'est toujours intéressant de le réentendre. Mais c'est vraiment un phénomène assez exceptionnel dans notre littérature, parce qu'il est vraiment, comme l'a dit Philippe, il y a quelques petites brochures. Moi, c'est le premier ouvrage, je suis la première à avoir fait un ouvrage un petit peu universitaire dessus, mais il est absent des histoires littéraires, des manuels de l'école, et pourtant, en réalité, il est probablement plus populaire que bien de grands classiques. Il y a probablement plus de gens aujourd'hui, mais depuis longtemps, qui savent par cœur des vers de Couté que de gens qui savent par cœur des vers d'immenses poètes, comme Corbinot ou d'autres. Et donc, il y a vraiment un paradoxe étonnant. Et sa poésie continue. En ce moment même, je suis sûre que quelque part en France, il y a quelqu'un qui dit, chante, lit, partage du Couté et passe un bon moment. Et ça dure depuis plus d'un siècle. Son œuvre a bien failli disparaître complètement. Il y a eu un moment, pendant quelques dizaines d'années après sa mort, il n'y avait rien d'ajouté, etc. Et elle a vraiment failli sombrer. Mais c'est une histoire vraiment extraordinaire que j'ai étudiée dans un autre livre, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais de ce sauvetage d'une œuvre par ses lecteurs, qui l'ont appris par cœur, recopier, génération après génération, depuis 100 ans, ça dure, et je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est précisément, hein, pour venir au sujet, c'est précisément parce que c'est une poésie extraordinairement subversive qui donne envie de vivre bien, de tout fiche en l'air, tout ce qui nous accable, hein, et de vivre mieux, de partager, d'être bien ensemble. C'est très subversif comme poésie. C'est pour ça qu'elle a ces deux traitements. Ce traitement, c'est, d'un côté, des institutions littéraires qui la rejettent complètement parce que ça a vraiment un effet fort, chez de l'autre, il suscite tellement d'enthousiasme par des gens qui ne sont pas du tout dans les institutions, qui sont ni dans l'édition, ni dans l'université. Et donc, je voudrais, pour tous ceux qui connaissent, et aussi pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai pensé que ce serait bien de commencer par un magnifique poème de côté par Marie-Vol. Donc c'est un petit peu en patois, mais c'est pas grave. Si vous manquez un mot, ça ne fait rien, vous vous saisirez quand même. Et ça s'appelle le foin qui presse. Hein, c'est beaucoup des histoires de paysans. Et ça, c'est le foin qui presse. Ah, pour une belle noce, c'était une belle noce. Il y avait les quatre coins de la bosse offrant des cochelins à pleine corbeillée. Il y avait de la monchaille à s'en foutre ras-là, des tourtes à la sauce et des soies rôties, avec un brindant de petits 20 centimes qui remontait d'un amphiloxéra. Il y avait le vieux qui danse, un collet de pétine et le cousin Totor qui est au bon marché. Ah, ces parisiens, ils sont enragés, des chansons à pisser dans sa chemise. Il y avait des volées de jeunesse radiante qui dansent en venant les gars par le cou. Il y avait de l'amusement et de la bonne entente, des gens en pinguetio, d'aucun même bosse. Ah, pour une belle. Mais c'est fini la noce. Au revoir à terre tous. Il fait presque jour. Qui danse s'est relevé de ce fumet de la cour et les parents de gosse remontent dans leur carrosse. Si bien qu'il ne reste plus toutes les deux à cette heure. Elle, l'enfant gâté, élevé en ville et le grand fermier. Dans la cour tranquille, les coqs matineux saluent leur bonheur. Et là, la jeune mariée qui s'apprête, faisant ronron comme une petite chatte blanche qui veut les lichats, les filles, des caresses. Mais quoi donc? Son homme est là, comme une planche. Piqué vis-à-vis le peignon de sa grange, il a reluqué le ciel de l'air si étrange. C'est-il qu'ils chercheraient à lire dans les nuages la bonne aventure de leur jeune ménage? Pierre, elle soupire, c'est tout ce que tu comptes? Mais lui, s'emportant comme une soupe. Non mais regardons d'un œil dont il fait, Gouillette. Tu vois pas la harmonie qui monte? Ça va mouiller dur, ça sera pas long. Mon foin, nom de Dieu, qui est pas en mulon. La montre à l'obèse qui va être foutue. En route, mulon avant que je t'échue. Et la faire partie, la mariée toute blanche, qui étend dans son voile et ses fardanins, portant sur l'épaule une fourche à deux branches, l'âme toute retournée de se retrouver là. Quand il était venu pour lui faire sa demande, dans la petite boutique où mourait son cœur, elle avait dit oui, tout de suite, sans attendre, se jetant vers lui comme vers un sauveur. Elle avait dit oui, songeant sans malice. Elle, dont le corps brûlé à l'air des beaux jours, s'en était parfois comme un vrai supplice. Quand on a un homme, on a de l'amour. Et la plat à fourchant le trèfle gamin, sous le désir féroce et l'homme mauvaise, à cette heure qu'elle devrait être balèze comme au paradis d'enfant qu'on s'aidera. Parce que, auparavant que t'es devenue femme, elle est devenue femme de paysan. Dont la vie est prise comme dans un courant entre le foin qui mouille et les vaches qui brûlent, les taches la grippant au creux de sa couette, mancheront les baisers sur le bord de ses lèvres et sécheront son corps, tout chaud de jeune sève, qui tombera plus froid qu'un arpent de girouette. Les chésines bomberont son plus franc yeux, les couches arracheront sa peau fine et pâle et vieille à 30 ans. Traînant ses sabots, appétit de travail, et curée du mal, elle n'aura plus Dieu que pour voir, à son tour, ciel noir sur les prés, couleur d'espérance, est-ce que... esclave de la terre jalouse qui commence par lui voler sa première nuit d'amour. Voilà une histoire de goûter. On a tous, presque tous ici, le choc de goûter un jour ou l'autre. On entend ça et qu'on arrive à en savoir un petit peu plus. Et moi, ça fait un peu comment. Et donc, ce livre que j'ai fait maintenant, il est né de longues présentations de goûter. Et puis, surtout, du désir de mieux me connaître, de mieux comprendre. Et de répondre aux questions que tout un chacun se pose. Est-ce que Goûter était un météore? Est-ce qu'il était seul dans son époque? Est-ce qu'il y en avait d'autres Et comment aussi expliquer cette... on le ressent et essayer un peu de comprendre, hein, puisque c'est un peu mon métier, de comprendre la littérature, de comprendre cette force, cette puissance qu'il y a encore dans ces poèmes Histoire du paysan, écrits il y a 100 ans. Et ça bouleverse encore, quand on a l'impression d'y être. Donc, je vais aborder trois choses. D'abord, un petit peu de biographie. La vie de Goûter, elle est très courte, hein, parce qu'il est mort très très jeune. Et la biographie, elle est très courte et très bien connue. Mais j'ai plutôt essayé de le replacer dans son époque pour essayer d'expliquer ce que ça signifiait, certaines choses qu'il a, certains choix qu'il a fait, et en particulier des choix politiques. Dans une deuxième partie, je vais parler de ce qui m'a intéressé pour essayer de comprendre justement d'où venait Goûter. Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait un petit peu avant lui? Qu'est-ce qu'on fait comme chanson sur le peuple, sur les paysans? Sur quoi il s'est appuyé un petit peu et en quoi ça se distinguait? Il y en avait beaucoup. Hein, il arrive à une époque où on réfléchit beaucoup, tout le 19e siècle est comme ça, bien sûr, après la Révolution française, mais on réfléchit beaucoup sur ce que c'est que le peuple, ce que c'est que les paysans, et donc il y a plein de représentations qui arrivent dans la littérature, elles sont connues, mais il y en a aussi dans les chansons et dans les poèmes radios. Et puis la troisième partie, juste esquisser peut-être, parce que je pense que je ne veux pas trop lasser, et entre-temps, on aura donc Marie-Vonne qui nous fera le grand plaisir de lire des textes, et on en a quelques-uns aussi à entendre, par d'autres artistes. Donc, j'essaierai un peu de dire qu'est-ce qui fait que cette œuvre est tellement puissante et tellement personnelle, même s'il s'appuie sur des choses qui existent, Goûter fait autre chose, et qu'est-ce qu'il fait avec les mots. Alors, je commence par la partie 1 sur la biographie. Donc, Goûter est né en 1880, c'est important comme génération, parce que ça veut dire qu'il a 20 ans en 1900, et 1880, c'est aussi l'époque, c'est très important aussi pour un peu de penser qu'on va remettre le roi, autre chose, etc. Et la République, elle s'est posée en 71, mais ça a été très instable pendant quelques années. À partir de 80, on est dans la République, et les républicains qui sont au pouvoir veulent absolument réussir leur pari, et ça veut dire ils veulent que ça tienne, et pour ça, ils veulent intégrer ce qu'ils appellent les nouvelles couches, c'est-à-dire, grosso modo, si vous voulez, les classes moyennes, les gens qui... les petits artisans, les commerçants et surtout aussi beaucoup, beaucoup les paysans. Et donc son père, le père de Goûter, appartient à ces nouvelles couches puisque ce qu'il est meunier, c'est pas un paysan pauvre, un meunier, hein, jamais. Et lui, c'était plutôt un meunier riche, hein, il avait une belle maison, il s'intéressait à beaucoup de choses, etc. Donc, je passe un petit peu vite sur la scolarité qui est assez connue, mais peut-être souvent on se trompe parce qu'on le confond avec le gars qui a mal tourné et qui n'a rien fait à l'école. Eh bien non, d'un côté, il était très brillant à l'école primaire et il a très très bien réussi. Et c'est seulement du côté de l'adolescence vers le secondaire que ça s'est gâté. Il a reconnu être brillant, mais la discipline, la structure toute faite qu'on voulait absolument, faites beaucoup de répétitions, ça ne lui convenait pas. Et donc, il quitte assez vite le lycée au milieu de ses études secondaires, il ne va pas jusqu'au bout, il trouve un petit poste d'employé. Et déjà, à cette époque, il a genre 16-17 ans, il envoie des textes à Aristide Bruand, qui lui est déjà très célèbre, avec son cabaret de Millerton. Il avait une petite revue, Bruand, à qui les jeunes poètes pouvaient envoyer des textes, et c'est ce que tout est à fait. Donc c'est une de ses figures de référence, hein. Bruand, l'auteur de l'Auteur du Chat Noir. Il commence aussi dans un petit cercle local d'Orléans, puisque c'est du côté d'Orléans, à dire ses textes dans un petit cercle poétique. Et déjà, il y avait des poèmes en patois, déjà. Il essaye, toute sa vie, hein, Goûter, il a écrit dans les deux, en patois et en français de l'école, hein, correct, considéré correct. Et déjà, on te retrouve déjà jeune, il a 17-18 ans, cette caractéristique qu'il aura dans toute son œuvre, qui est très importante, il me semble, de servir de son talent poétique pour donner la parole à des gens qui l'intéressent et qui, normalement, on ne les écoute jamais, ces gens-là. Des vieux paysans, des vieilles femmes, des jeunes domestiques, des pauvres, des vagabonds, tout ça. Et donc, je reparlerai un petit peu après, on parlera de la poésie. On a dit ça de quelqu'un d'autre, et moi je trouve que ça convient très bien à côté. Il est la voix des sans-voix, il est la voix de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux que personne n'écoute. Lui, ça l'intéresse, et il va leur prêter sa voix à lui, mais avec leur histoire à lui. Et donc, le premier qu'on va écouter, donc on va pas en écouter beaucoup, il y en a plein des histoires comme ça, donc c'est une histoire de braconnier. Ça s'appelle Chanson de braconnier. Et elle est interprétée par, c'est Gérard Pierron, hein, je crois. La chanson du nom. Qui braconne dans le soleil aux bourgeois. Ça n'est pas quand la lune donne qu'il faut aller au bois. Sous les sapinières profondes, on rampe dans le noir. J'aime la Françoise qui est blonde. Auprès de Saint-Françoise, le garde au château. Ces chiens fendus qui fait sa ronde, noire dans le noir. J'aime la Françoise qui est blonde, à voir tout en noir. Il avait commencé à écrire des petits poèmes comme ça qui étaient déjà très appréciés sur des gens, des petits gens, mais son œuvre prend une orientation déjà plus sociale, elle commence à écrire des poèmes assez anticléricaux en particulier, mais c'est le courant général en France, parce que le gouvernement républicain au pouvoir depuis plusieurs années a pris un tournant à droite en 1896, et il y a beaucoup de mécontentement, hein, les gens vont tourner vers la droite, et donc Couté est aussi dans cette mouvance-là, et cette même année 98, un chansonnier de passage qui faisait des tournées, les chansonniers aussi, quand il avait fini avec le public des cabarets de Paris, un chansonnier en tournée passe dans son village, et après avoir fait son spectacle, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui voudrait dire quelque chose dans la salle, et Couté se risque, et il dit un de ses poèmes, et le chansonnier l'encourage, il lui dit, c'est bien, et ça pourrait peut-être marcher dans les cabarets de Paris. Et donc, Couté ne se le fait pas dire de quoi. Il dit à son père qu'il a trouvé un poste, etc. Son père lui donne un peu d'argent et il s'en va à Paris en 98. On est bien sûr en pleine affaire Dreyfus, hein, et en pleine explosion de toutes sortes de mécontentements sociaux par ailleurs. Donc, mais je vous dis juste que la carrière de Couté, ça marche assez vite. Hein. C'est une légende qu'on trouve un peu souvent répétée dans les biographies, qu'il a connu la misère, etc. Pas du tout. En fait, il est arrivé au mois, il est parti en septembre, et dès le mois de décembre, il passait déjà dans un des cabarets les plus réputés de Montmartre, qui était l'Âne Rouge, un des cabarets les plus en vogue de l'époque, et ça a marché très bien. Hein. C'est deux mois où c'était un petit peu dur, il ne connaissait personne, absolument personne, mais ça a été assez vite. Alors ça c'est beaucoup plus tard et pas avec Bruyant, oui. Mais il est passé donc dans tous les cabarets qui étaient à la mode à ce moment-là, où on faisait des choses intéressantes, et ça a duré quelques années. Hein. Il a été apprécié en particulier de Laurent Bayat, un des écrivains que vous connaissez bien sûr, qui est l'anarchiste. Il y a eu des compositeurs connus qui lui écrivaient des musiques. Et même au café-concert, qui n'est pas la même chose que le cabaret, c'était plutôt la chanson artistique et littéraire, les petites salles, un peu comme ici, avec un piano et c'est tout. Le café-concert, c'était plutôt spectacle de variété, avec des petites femmes, beaucoup de musique, on écoute un coup, on se met, etc. Mais au café-concert aussi, il y avait un petit courant social à cette époque-là. Et même, donc, une des plus immenses vedettes de l'époque, Félix Mayol, des trois ou quatre grandes géantes vedettes du café-concert, interprète le gars qui a perdu l'esprit. Hein. Donc, il y avait encore... Au début de Couté arrive, l'ambiance n'était pas du tout la même que ce qu'elle va être quelques années plus tard, ça va devenir très très difficile pour lui et pour bien d'autres. Hein. Et en dehors de cette activité qui lui permet de vivre, pas grassement mais de vivre, Couté donc fait son concours, comme beaucoup de ses camarades chansonniers qui avaient des idées de gauche aussi, aux fêtes syndicales, révolutionnaires et militantes. Socialiste, anarchiste et syndicaliste. Couté a toujours été un peu partout. Il était anarchiste, lui, c'était ses idées, mais très ouvert. Hein, voilà. Donc, même dans la première année de sa vie à Paris, il participe aux activités de groupes anarchistes, on le sait par des rapports de police. Hein. Et il collabore aussi au Journal du Peuple, auquel il donne, donc au grand journal anarchiste, au Journal du Peuple à qui il donne 15 tests, et aux Libertaires, à qui il donne 5 tests, et dont un des tests qui va devenir un de ses. Pas un succès de vente, parce que Couté a eu un immense succès de vente, mais en fait, il s'est très très très bien vendu, qui plaisait beaucoup aux anarchistes et aux autres, hein, parce que les vidéos anarchistes étaient très répandues quand même dans le mouvement ouvrier, qui s'appelle Le Christ en bois, et vous allez l'entendre, donc, alors, le son n'est peut-être pas si parfait que ça, bon, mais il faut se rendre compte que là, c'est un vagabond qui parle, hein, un vagabond qui a froid, et qui a faim, et qui a ventre vide, et qui marmonne un peu, voilà. Donc approchez-vous, même si vous ne comprenez pas tout, imaginez-vous que c'est un SDF qui vous parle et qui est pour un micro sans l'oreille. C'est qui l'interprétation? Alors le Christ en bois, c'est un groupe qui s'appelle le Pierrot Noir, je crois qu'ils sont du côté de Grenoble. Il y a beaucoup de groupes. Bon Dieu, la salle commune. À soin. Personne n'a voulu m'assommer. Ou que je me gîte ou que je me cache. dans la poigne à côté de ses manches. Est-ce à toi que je tirerai par grosse mettre à ton curé? Et j'ai connu cette désiote, mais celle qui verdouille des potes nôtres pour aller dans ton paradis. Mon roi et Guillaume parasit un fruit à travers la boule. Ils gâtent poussés à leur poule, et c'est pour ça que j'attends mes mains. Au bas de toi, sur le bord du chemin, en haut du talus, sous le vent bise, qu'ébranle les grands bras de ta croix grise. Il pince fort, elle sale. Elle sort mon nez qui fond en yeux, et tous mes membres qui gardillent, et mon QG pour les pénilles. Mais tu t'en fous, toi, qui passe près. T'as le cul, t'as le cœur, t'as tout en bouée. Elle crie, on a picoté quelque chose. Elle crie, t'as senti que je te pose, et que je te dis que j'ai une femme folle. Tellement que tu passes devant l'outre, il passait quelqu'un sur la route. Bah, pour un minou comme pour une croûte, il me semble que je ferais un mauvais coup. Tout ça, c'est bon, mais c'est pas un tout. Après, ça serait encore tassiste que je t'en trouverais. Et quoi que je dise, les idées que ça roule, les faits que ça produit par voir bouffer, les juges, ils voulaient rien entendre, car c'est des gars qui sont pas tendres pour les faits qui pas de position. Il ne rentrait pas les cochons. Et tu serais plus cochon que mes juges. Toi qui me vois le ventre creux et sans juge. Tu ferais pas une démarche pour moi. T'as le ventre, t'as le cœur, t'as tout en bois. L'autre, elle vrai Christ. Elle bouge de sort, que t'es si bon qu'il en est mort. En me trouvant gardien à cette place, ils m'ont l'a dit. Couche-toi sous ma paillasse. Et me voyant comme ça que avec toi, ils m'ont l'a dit. Quand tu as du pain, il y en a du tout frais dans ma huche, pendant que je vais tirer une cruche de 20 millions à un poinçon. T'as le droit comme tout le monde, aucun touche, puisque le soleil fait tout le monde. Et tu grimpes la moisson longue et la vendange des sas tortues. Si condamné, il m'avait vu, il aurait dit au juge. Mes frères, qui fout donc la première pierre, qui fout que jamais fouté. Mais toi que les curés ont planté et qui tronchent le genre de justice, t'es là. Rien qu'un mannequin au service des riches, qui te mettent au coin de leur bien pour faire peur au moyen du chemin que je somme. Et pour ça, que la vie grande te fout à pas, Christ de contrebande, Christ de l'Église, Christ de la loi, qu'à tout, partout, qu'à tout en moins. Je vais passer assez vite sur la biographie parce que quand même, c'est assez bien connu, hein, mais en vitesse quand même, Couture était vraiment anarchiste, sinon militant, il s'est arrêté de militer, vraiment de militer de la façon d'aller dans des groupes, etc. Assez vite, mais en revanche, il a milité, puisqu'il s'est arrêté entre 1900 et 1910, hein, entre 20 et 30 ans, il n'a pas publié dans la presse libertaire et dans aucun organe politique, mais il participe toujours aux soirées, aux fêtes politiques, et en se faisant jamais payer, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et le public ouvrier lui fait un accueil absolument enthousiaste. Il était aussi donc l'ami de plusieurs des animateurs du mouvement néo-malthusien, Sébastien Faure, Eugène Imbert, Victor Méric, et il s'intéressait beaucoup aux questions de l'école, et aux idées de Francisco Ferrer, et il a été aussi l'ami de... le Sébastien Faure qui avait fondé cette école alternative La Ruche, près de Rambouillet, il a visité La Ruche. Il était aussi l'ami de Raymond Broca, qui était son interprète, un artiste de Café Concert. Il n'y en avait pas beaucoup, mais qui disait écouter au Café Concert. Et Broca, lui, pour sa part, c'était un des fondateurs du syndicalisme chez les chanteurs et les musiciens du spectacle. Donc il avait beaucoup d'amis comme ça, militants, et ça a toujours été son option. Hein. La culture ouvrière était très active et on était dans une période très intéressante de ce point de vue-là parce que l'affaire Dreyfus avait beaucoup agité les esprits et pendant pendant 2 ans, tout le monde s'était employé, et puis il y avait quand même eu pas mal de solidarité entre, finalement, sur des principes, entre des gens qui jusqu'ici ne se rencontraient pas beaucoup, hein, des bourgeois progressistes et des ouvriers avaient pu se côtoyer, faire des choses ensemble. Et donc, il y a eu vraiment la période qui suit à faire Dreyfus, c'est celle d'un bouillonnement intellectuel d'idées dans toute la société et d'une évolution. On a connu déjà, un petit peu comme vers 68 chez nous, une évolution vers la gauche de toute l'opinion publique. Et pendant pas longtemps, on est 3-4 années, c'est à ce moment-là qu'on fonde des universités populaires qui sont des belles utopies, mais qui rencontrent aussi, fondées beaucoup par des bourgeois. Mais écoutez, il y a aussi, dire ces poèmes là-dedans. Ça rencontrait un désir des ouvriers aussi de s'instruire et de partager de la culture et un désir des bourgeois de comprendre ce que c'était que les ouvriers. De nombreux bourgeois libéraux intellectuels font une prise de conscience sociale. Et du côté des artistes aussi, quelques-uns sont préoccupés par l'art social, en particulier bien sûr des peintres et des dessinateurs, comme il y en a pas mal, hein, Pissarro, Signac, Ygles, Grandjouan, Kupka. Toute l'équipe qui a fondé l'Assiette au beurre, qui était un journal d'images, mais très très très percutant au point de vue social, un journal de dessin essentiellement. Fondé justement en 1901, vous voyez, on est en plein dans cette période, côté arrive vraiment dans une période où ça bouge beaucoup dans ce sens-là, et les idées de gauche intéressent plein de gens. Mais ça va, comme souvent, ça n'aura qu'un temps, ça va se passer après. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, pour comprendre la difficulté, c'est qu'il y a suffisamment de bourgeois de gauche pour que, qui achète l'Assiette au beurre, qui est un journal cher, hein, il y a toujours eu un public bourgeois, qui vont dans les cabarets, qui sont des lieux chers aussi, hein, les cabarets, on ne paye que la consommation, hein, comme dans les cafés-concerts, mais au café-concert, on paye juste une cerise à l'oublier, c'est pas cher, il faut en prendre une toutes les heures ou toutes les 2 heures. Au cabaret, c'est du champagne, hein, donc c'est pas le même public. Hein. Donc le public de côté, c'était quand même un public de bourgeois de gauche, quand même beaucoup. Mais ils pouvaient arriver à vivre, ça s'est gâté assez vite du côté de 1905-1907. La situation de côté et de beaucoup d'autres artistes commence à se dégrader. Écoutez, lui, ça ira assez vite jusqu'à sa mort précoce. Hein. Il commence à avoir très très important de passer à la forme libre, parce que vous savez, tous les textes de côté étaient publiés sous la forme, c'était une double feuille avec une illustration, la ligne mélodique et puis les paroles, hein. Pas ligne mélodique, c'était juste des paroles, c'était pas cher du tout, mais c'était pas de tout non plus reconnu. Pour être reconnu un peu comme poète, il fallait arriver à faire un livre, et son éditeur était prêt à faire ça, et finalement il a fait traîner le projet, et c'est jamais ça n'est sorti. Mais en réalité, c'est toutes les années, c'est entre 1904-1907, que ça se passe, ce tournant, on le remarque, mais c'est dans toute la société française, puisque c'est les années où le consensus social qui avait été essayé depuis 1880, déjà, ça a commencé à tirer sérieusement à partir de fin années 90, bon, il y a eu les attentats anarchistes, la répression, tout ça, et finalement, ce consensus se lézarde et se rompt complètement. Il y a eu des vagues de grève très longues et très dures, avec des répressions violentes, hein. Il y a eu la révolte des vignerons du Midi, 1907, il y a eu la première révolution russe qui a commencé à inquiéter beaucoup toute la bourgeoisie. Donc finalement, il y a eu aussi le mouvement révolutionnaire qui s'unifiait avec la SFIO, la SFIO s'unifie en 1905, la CGT commence à aussi unifier les syndicalistes, et il y avait l'extrême gauche très très active où se côtoyaient anarchistes, socialistes et syndicalistes révolutionnaires à plusieurs courants, et donc finalement, les gens font leur choix. Hein, et l'idée de faire les belles vies ensemble, en regardant bien quand même les patrons d'un côté et puis les travailleurs de l'autre, mais que tout le monde soit content, ça n'a pas marché, et ça ne marche jamais. Et finalement, existe à ce moment-là un courant d'extrême gauche très actif. Et un des courants de cette extrême gauche, c'est l'herbéisme, du nom de Gustave Hervé, un des animateurs très, très actifs, qui fonde le journal très important La Guerre sociale avec l'anarchiste, donc Hervé est socialiste, mais il fonde la Guerre sociale avec l'anarchiste Miguel Almeida. Et aux élections de 1906, les choses se clarifient. C'est la victoire des radicaux qui sont en train d'aller vers la droite. Il y a un recentrage vers la droite, et Clémenceau arrive au pouvoir, et il exerce une répression brutale, hein, on l'appelle le tigre, hein, quand vous voyez les brigades du tigre à la télévision, romancée, etc., en fait, c'est une répression très, très, très dure, haineuse même, contre tous les mouvements ouvriers. dans le domaine culturel, donc il y a ce tournant vraiment dans ces 2-3 années, hein, 1904-1906 à peu près, les intellectuels bourgeois abandonnent pour la plupart d'entre eux, et il en reste quelques-uns, mais pas beaucoup, les actions militantes. Et quand aux avant-gardes culturelles et artistiques étaient très engagés, en tout cas c'est devenu un peintre très très très important hein, après. Mais au début, il était aussi caricaturiste de l'assiette aux heures et très très bon caricaturiste. Hein. Mais tous ces artistes se coupent un peu des mouvements sociaux, ils se replient sur leur petit lieu où ils se rencontrent à Montmartre, au bateau de la Loire, et très peu restent engagés et essaient de mener de front l'action révolutionnaire et la révolution esthétique, c'est-à-dire en art et en politique. C'est le cas de l'assiette au beurre, mais l'assiette au beurre va connaître des difficultés, c'est aussi le cas de Couté. Mais tous les gens qui ont essayé de garder ça, qui sont restés sur ces positions-là, ont été en immense difficulté. Hein. Les chansons sont aussi, comme les dessins, très importants dans la popularisation des luttes, et la chanson militante s'organise beaucoup, et se développe beaucoup à cette période. Mais la répression est très dure contre les auteurs de dessins de presse, contre les auteurs de chansons. Il y a une vague de procès contre des journaux d'extrême gauche, en particulier. Et ça, c'est une chose, la répression contre les peines de prison. Mais en même temps, et peut-être surtout, les artistes engagés perdent ce qui était leur gagne-pain, c'est-à-dire le soutien des artistes, du public bourgeois qui les soutenait. C'est fini. Plus personne ne les achète. Couté ne trouve plus personne. Vous savez, les directeurs de cabaret, c'était des commerciaux. Hein, et les éditeurs de chansons aussi. Ils éditaient, ils faisaient passer les artistes qui se vendaient. Et ils n'avaient aucun état d'âme, si c'était anarchiste, ils le faisaient. Du moment qu'il y avait du monde qui venait, du monde qui achetait. À partir du moment, on est dans une période, si vous voulez, il y a à la fois la répression, mais c'est surtout, on est en train de passer à quelque chose de beaucoup plus efficace au bout du compte, c'est la liberté d'acheter ou non, et finalement c'est comme ça qu'on affame, on les met en prison aussi, hein, les artistes vraiment révolutionnaires. Couté a de plus en plus de mal à vivre. Il fait tout de même, il faut saluer ça quand même, dans la dernière année de sa vie, on lui demande de faire quelque chose d'assez nouveau qui avait été inauguré par d'autres chanceliers révolutionnaires, un grand chancelier de Jules Jouy avant lui, l'avait fait, une chanson de la semaine, un peu comme le dessin de presse, c'est un peu l'équivalent du dessin de presse mais en forme de chanson. Et quand les ouvriers ne lisaient pas tous des masses, hein, la chanson c'était ultra important, donc il faisait une petite chanson d'actualité qui avait un immense succès, qui faisait le tour de Paris très vite, mais il est tout à fait épuisé, malgré qu'il n'ait que 30 ans, il vit dans une misère et ne mange pas beaucoup. Il est aussi probablement malade des poumons depuis longtemps, puisqu'il avait été quand même réformé, et on ne réformait pas si facilement que ça. Vous savez, vers 1900, il fallait être très malade pour qu'on vous lâche au conseil de révision. Il a été réformé à journée une fois, à journée deux fois, et à réformer définitivement. Donc il était déjà assez malade à l'instant. Des poumons, hein. Mais il était aussi alcoolique, hein, mais il avait tout ça. Hein. Et donc, un soir, il attrape froid, il meurt en deux jours, une congestion pulmonaire. Et la guerre sociale lui consacre un numéro spécial, et je voudrais vous lire l'extrait, parce que je trouve que c'est très très beau, les quelques lignes de l'équipe de la guerre sociale. Qui côtoyait Couté tous les jours, parce qu'après il y a des gens mal intentionnés qui ont dit que c'était un vieil ivrogne, etc. Il était ni vieux, ni tellement ivrogne, pas plus que les autres, mais il était surtout très malade. Et voilà ce que écrivait donc l'équipe de la guerre sociale dans ce numéro qu'ils ont consacré à Couté quelques jours après sa mort. Comme ça me met à la remettre, j'ai du mal à lire. Car outre le beau talent dont il fit ici même un si large usage, il personnifiait toute la loyauté, toute la bravoure, toute l'indulgence, tout le désintéressement, toute la sensibilité, toute la délicatesse et toute la bonté qu'on désire pour les autres et pour soi-même quand on rêve d'édifier un monde de saine justice et de liberté vraie. Et je trouve que c'est une très belle définition du militant, mais je crois qu'on ne peut pas dire ça de tous les militants. Il y a des militants qui sont vraiment pénibles. Apparemment, ce n'était pas le cas pour tous les militants. Donc, je ne veux pas être trop long. Vite fait, donc ma deuxième partie, l'œuvre dans son époque. Je voulais vous dire un petit peu ce qu'il y avait, dans quel monde du spectacle, de la chanson arrivait à Couté, surtout quelles images du peuple et des paysans existaient déjà dans les chansons un petit peu avant qu'il arrive. Donc cette carrière de Goûter, pourquoi il n'est aussi pas du tout connu du monde littéraire? Parce qu'il s'est situé dans un monde qui, pour la littérature, n'existait pas, tout simplement, alors que c'est gigantesquement important. Hein. Moi, je fais ce travail-là parce que ce qui m'intéresse, au fond, c'est prodigieusement, c'est la culture des gens qui ne lisent pas beaucoup de livres, mais qui aiment, ils ont une culture, ils aiment les mots, ils aiment plein de choses et ils s'intéressent à un tas de trucs. Et donc, mais pendant très très très longtemps, on a beaucoup de mal à reconnaître la chanson. On a eu du mal avec le cinéma, c'est fait, maintenant le cinéma est reconnu universitairement, le roman policier aussi, mais la chanson pas trop. Parce que, elle est considérée, c'est n'importe quoi, c'est pas intéressant. En fait, c'est vraiment important. Donc, la carrière de Goûter se situe donc dans deux endroits, hein, les cabarets artistiques, la chanson commerciale et littéraire quand même en même temps, et le mouvement ouvrier, les fêtes syndicales, politiques et les manifestations. Et beaucoup plus marginalement au Café Concert, où là c'est plutôt la grande chanson commerciale. Donc, je voudrais peut-être résumer ça, du coup, ça se dit. En gros... On n'est pas pressé. Vous n'êtes pas trop pressé, ça va, je voudrais comment vous pouvez toujours partir. Hein. Ah non, tout le monde reste. Mais pas non plus. Il n'y a pas de parole. Et Marie-Louise va bientôt dire quelque chose, je vais vous montrer. Donc, je me suis intéressée, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que le monde de la chanson, puisque personne ne s'y intéressait au 19e siècle. Et donc, je suis obligée de reculer un peu en arrière, même avant la naissance de Goûter, pour comprendre ce que c'était, parce que c'est vraiment drôlement intéressant. Donc, au 19e siècle, si on veut comprendre ce que c'est que les cabarets artistiques qui arrivent, en fait, à peu près au moment de la naissance de Goûter, vers 1880, naissent les cabarets artistiques, le Chat Noir, tout ça, il faut remonter un peu en arrière. Ils sont une étape d'un processus qui a commencé, en fait, largement avant, dans la première moitié du 19e siècle. Où est-ce qu'on chantait dans les villes? En fait, les gens quittent la campagne progressivement, il y a une très forêt de vin tout au long du 19e siècle, qui s'accentue vers la fin. Et donc, finalement, les gens quittent une certaine forme de culture gratuite, où on chantait, on racontait des histoires aux veillées dans la campagne, etc. Ça continue, si vous voulez, mais on arrive dans les villes, c'est plus comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on chante? Les gens veulent toujours chanter, raconter des histoires, écrire des poèmes. Et donc, il y a deux types de lieux dans les villes du 19e siècle, surtout du 1er 19e siècle, mais après, ça arrive déjà au 1er 19e siècle, déjà du... l'année 1820-1830, c'est d'une part les goguettes. Les goguettes, ce sont des sociétés chantantes qui se réunissent une fois par semaine, souvent, ou peut-être une fois par mois, ça dépend, se réunissent dans un café ou dans une petite salle de quartier pas chère, et on boit un coup, et le prix d'entrée, c'est pour un coup, mais c'est surtout, on arrive avec son poème ou sa chanson, et voilà, on passe la soirée en écoutant les chansons et les poèmes, il y a beaucoup de poèmes aussi. Donc ça nous amènera à Goûter qui continue cette tradition et je pense que ça continue encore aujourd'hui. Les gens ont toujours aimé aussi un, hein, le slam, voilà, absolument. Mais dans les goguettes, il y avait aussi les mouchards de la police. Il y en a eu surtout après, avec l'Empire. Mais les goguettes, elles existaient avant, bien avant. Donc c'est une des formes, si vous voulez, de chansons. Et elles sont très très libres, et en particulier elles sont très républicaines, et elles explosent à la monarchie de Juillet. Hein, et elles sont, en 1848, on fait aussi beaucoup beaucoup de chansons dans les goguettes, des chansons très libres, très drôles, souvent, très humoristiques, souvent en français populaire, et de toutes sortes. Mais il y avait aussi des cafés chantants, donc des cafés normaux, mais comme les gens aimaient beaucoup les chansons, les patrons de café payaient un artiste pour retenir la clientèle parce que ça plaisait, et donc c'était aussi un côté commercial. Les deux coexistent, si vous voulez, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Mais avec l'Empire, l'Empire ne voulait absolument pas des goguettes, qui étaient des foyers de républicanisme, et il a mis des mouchards partout, il a interdit tous ces lieux de réunion, et il n'est resté que les cafés-concerts. Et ça a provoqué une ruée du public des villes, de Paris, mais des grandes villes, vers les cafés-concerts, qui ont explosé, et les cafés-concerts donc se grandissent. L'Empire ne les aime pas trop non plus, mais il décide de ne pas les empêcher non plus, complètement, et il décide de les canaliser avec une censure très étroite, une censure préalable, c'est-à-dire que toutes les semaines, le patron du Café Concert devait déposer au commissariat du quartier tous les textes qui devaient être dits la semaine d'après, et ça devait être visé, sinon ça ne passait pas. Ils sont donc très très censurés, et c'est surtout quand même ce qu'on aime dans les cafés-concerts, donc on boit un coup, on fume, c'est très bruyant, très agité, on circule, on saucissonne, etc. Et donc, il faut chanter bien fort, et c'est très gai, il y a beaucoup de répertoires drôles, il y a beaucoup de jolies filles déshabillées, mais il y a aussi beaucoup de social au début. Sauf que petit à petit, à force de censure, d'interdiction, parce que si on exagérait trop, on finissait par interdire l'établissement pendant une semaine, ou ne pas fermer les portes, etc. Et donc, assez vite, ça provoque de l'autocensure. Tout ce qui est culture ouvrière, tout ce qui est chanson à thème social, c'est interdit. Si c'est sous l'Empire, quand même, il commence à y avoir un petit peu de mouvement ouvrier et tout ça. Hein. Elle est alors là très, très sévèrement censurée par des peines de prison. C'est pas seulement des fermetures d'établissements, du coup, des peines de prison, de la déportation. Bon, un cas emblématique, c'est celui du grand chansonnier révolutionnaire Pierre Dupont, qui est condamné à ce moment-là à 7 ans de déportation en Algérie au fond du désert, et qui craque et qui retourne sa veste complètement. Et non seulement ça, mais désormais il va chanter les gardes révolutionnaires, il va se mettre complètement au service de l'Empire. Bon, on ne sait pas ce qu'on aurait pu faire, mais on aurait peut-être pu quand même s'abstenir de aller glorifier les gardes de l'Empire. Beaucoup de goguettiers s'arrêtent de chanter. Souvent, vous savez, les goguettiers, c'était des ouvriers, des petits artisans, des petits commerçants, donc ils avaient un autre métier. Ils étaient complètement libres à cause de ça, parce qu'ils n'en vivaient pas du tout. Contrairement aux artistes de Café Concert, qui eux doivent en vivre, c'est très différent. Donc les goguettiers, ils s'arrêtent, la plupart. Un autre, c'est très emblématique, ils sont nés la même année, hein, Pierre Dupont et Charles Gilles. Charles Gilles, autre grand chansonnier révolutionnaire, très très apprécié. Et Charles Gilles, lui, qui n'a pas pu faire ce qu'avait fait Pierre Dupont, il s'est arrêté, mais désespéré, il s'est suicidé en 1850. Ceux qui retournent leur veste, il y en aura d'autres, hein. Montelus, par exemple. Oui, tout le temps. Tout le Montéus, temps. Et puis Jean Rictus, c'est plus tard, après la guerre. Ouais, c'est plus tard. Oui. Oui, il y a eu la guerre. Mais là c'était un petit peu autre chose. Ça a été vraiment, l'Empire, ça a été un coup près, quoi, je crois. Et c'était vraiment en prison, déportation au ban pour des années, etc. C'était pas rien, quoi. Montéus, c'était oui, plus tard. Mais est-ce que c'est pas sous l'Empire déjà que Rosa Dorda avait chanté la canaille? Oui, non, ça fait partie sous l'Empire, et elle chantera aussi beaucoup sous la Commune, mais c'est la canaille, et bien ensuite, c'est pas quand même révolutionnaire, mais c'est le type de chanson sociale qui arrivait à passer je vois que vous êtes vraiment une connaisseuse, hein, c'est bon, on n'a pas fait minel, on est obligé de créer pour vous. Hein. Il existe. Si, il y avait quand même, donc il y avait toujours ces tentatives de et il y a un courant toujours un peu, pour parler, je vais parler du peu. Et c'est pour rejoindre, il faudrait peut-être leur donner un peu du verre qui nous a donné. Donc, je passe aux années 1880 avec l'apparition des cabarets. Donc, en fait, le Café Concert occupe tout l'espace entre l'Empire et 1880. Pendant 30 ans, il n'y a que ça. Et finalement, la bourgeoisie, avec la libéralisation de la République, la bourgeoisie pousse un petit peu pour avoir des lieux à la fois aussi gays, mais un petit peu plus culturels. Elle aimerait bien elle aussi aller boire un coup, entendre des chansons. Et en fait, c'est ce qui va donner naissance progressivement à... Bon, disons, 1880, c'est quand même un tournant parce que la République se pose sur ses bases, donc elle va libéraliser un petit peu, hein, mais dans une nouvelle période un peu plus libre. Et les communards sont amnistiés, ils reviennent. Le mouvement ouvrier donc renaît. Dans les communards, il y a deux grands chansonniers révolutionnaires, les deux plus grands d'époque, c'est Clément et Gautier, qui reviennent. Et ils sont chantés dans tout le mouvement ouvrier. Et la culture militante redevient très très active, l'imprimé de livres, etc. Et donc, dans cette même période, donc, la chanson révolutionnaire renaît. Et l'activité syndicale et ouvrière aussi, mais vont apparaître aussi des lieux aussi gays que le Café Concert, mais plus acceptables culturellement, qui sont les cabarets artistiques. Dans l'appellation cabaret artistique, il y a un peu les deux du cabaret, mais un petit côté artistique. Et donc c'est ça qui va apparaître, s'y mélange absolument tout. Il y a toutes les sphères culturelles, il y a des textes très littéraires, Mallarmé va écrire pour le Chat Noir, des gens comme ça, mais il y a aussi un gros élément de Café Courcelles, il y a beaucoup de chansons sur les petites femmes, il n'y a pas de petites femmes, parce qu'un cabaret, c'est un lieu tout petit avec un piano et des hommes. Hein. Mais par contre, on en parle beaucoup, hein, dans les dessins du chanois, elles sont très présentes. Des chansons, beaucoup de chansons sentimentales d'amour aussi, comme au Café Concert, beaucoup de chansons patriotiques, un brûlant avec beaucoup de chansons patriotiques, mais il y a aussi des gens de l'avant-garde, hein, comme Mallarmé. Il y a toutes les idéologies qui se côtoient, révolutionnaires, patriotiques, catholiques, de tout, mais et beaucoup de gaieté et de fantaisie, beaucoup d'humour, de l'ofoquerie, c'est là que va, Charles Cros va développer ses poèmes de la Ressort, etc. C'est souvent très drôle, hein, les artistes. Donc le Chat Noir est fondé en 81 à Montmartre, et un des artistes qui s'appelle Aristide Roland, donc du Chat Noir, a trouvé une formule qui plaît beaucoup, des chansons populaires sur les barrières de Paris, hein, sur les faubourgs de l'époque, et aussi des chansons patriotiques. Hein, Roland a toujours eu la fibre patriotique, et ils fondent un autre cabaret concurrent, le Mirmiton, pas concurrent tout à fait, mais très populaire. Et, donc c'est un endroit où on peut à peu près tout faire, mais sachant que ces audaces du cabaret, il faut les mettre en relation avec le public. Le public, c'est des gens qui veulent payer plusieurs coupes de champagne dans la soirée. Hein. C'est le tout Paris, qui vient s'en canailler, comme on disait à l'époque. Hein. Donc dans le répertoire, il y a beaucoup de chansons, beaucoup de textes parlés, un petit peu de tout. Et je pense que c'est ça que je voulais quand même vous dire ce soir, aux représentations du peuple et aux représentations des paysans. Donc il y a d'une part, comment sont les représentations du peuple à cette époque, en dehors de ce qu'on connaît dans la littérature indienne, de ce côté-là, du côté des textes qu'on dit, eh bien il y a, qu'on dit beaucoup dans les cabarets, il y a les œuvres qu'on appelle, le courant qu'on appelle la poésie humanitaire. Ce sont les œuvres de deux qui ont déjà été publiées en volume et déjà reconnues dans les années 70. C'est des choses, les questions de les humbles, déjà ça explique un petit peu, déjà rien que le titre, un immense succès, les humbles en 1972, les petits gens, comment ils veulent qu'ils soient, et c'est un mot qui est un euphémisme qui va être très, très utilisé après. Les humbles, c'est les pauvres, et les il y aura une revue. Voilà. Une revue de littérature prolétarienne. Qui s'appelle Les Arbres. Les Arbres. Moi, ça m'a toujours choqué cette appellation Les Arbres, mais au 19e siècle, à partir de ce bouquin de Copé qui a eu un immense succès, c'est devenu quasiment un synonyme, un euphémisme pour ne pas dire les pauvres ou les misérables. Et le choix des mots n'est absolument pas innocent. Hein. Les quand on peut par des gueux, ben, c'est pas la même chose que les Arbres. Quand même pour la suite, l'histoire a connu son premier grand succès en 1869 avec un poème, il n'avait pas encore publié les hommes, qui s'appelle La grève des forgerons. C'est un monologue à dire, un poème à dire, comme ce côté, très pathétique. C'est un vieux forgeron qui parle, il parle au juge pour expliquer son crime, il est en train de se justifier devant le juge, c'est assez plaidoirie. Il a décidé de casser la grève et il s'est battu, un camarade l'a traité, il a décidé de casser la grève parce que bon, il ne pouvait plus. Un camarade l'a traité de lâche, il s'est battu avec lui et il l'a tué. Et il explique pourquoi, parce que bon, il avait faim, etc. Et le juge, bien sûr, l'a dit. Et ça, c'est la grève des forgerons. Donc, tout le monde est super attendri par ce forgeron, en fait, casseur de grève, quoi. Et tous les personnages de Copé et de Manuel était aussi quelqu'un de célèbre, prennent pour juger la vie des petites gens, et avec eux, c'est assez agréable à lire, c'est assez réaliste, on les voit bien, quoi. Mais on célèbre toujours les bons sentiments qui sont unifiants. Hein. Un modèle de la poésie humanitaire, Hugo a tout fait, mais il a aussi fait ça, c'est les pauvres gens de Victor Hugo. Hein. La cabane est pauvre, mais bien close, etc. On est super attendri par ces gens qui sont tellement dévoués, etc. Mais on ne se pose pas une seule minute la question de pourquoi c'était dans nos misères et est-ce que ça pourrait être autrement, etc. On est très très attendri, tout le monde est d'accord, tout le monde y va de ce côté-là. Donc les bons sentiments, la famille, le patriotisme et la langue, c'est du bon français, les idées, c'est politiquement correct. Et la plupart du temps, c'est plutôt rare que les gens, que la parole soit donnée aux personnages populaires. C'est le cas dans les vieux forgerons, mais c'est plutôt comme dans les pauvres gens. Celui qui parle, c'est le poète bourgeois, ils ont deux ou trois répliques et c'est tout. Et c'est lui qui raconte toute l'histoire, c'est son point de vue qui est mis en avant. Au Café Concert, on a toujours des œuvres à thème social, mais elles sont ça continue, hein. Il y a des travaux sur la censure qui sont très intéressants et qui montrent qu'il y avait justement beaucoup de sympathie pour les idées anarchistes, en particulier je suis dans les années 80-90, mais censurées. Et souvent, elles sont assez proches, ça rappelle un petit peu cette côté en patois, assez violente. Mais la censure ne laisse passer que les textes de type humanitaire très misérabiliste, avec une grande mode pour certaines, la sérénade du pavé, si ça vous dit quelque chose. Quelqu'un qui chante sous la fenêtre comme ça, qui demande. En fait, ils n'ont pas la charité, mais quand même. Il y a quand même des chansons sociales, on ne peut pas ne pas en avoir du tout, c'est toujours une préoccupation commerciale. Donc, il y a quelques choses qui. La fusillade de fourmis occasionne des chansons au café-concert, les grèves des mineurs, même les attentats anarchistes aussi, mais elles sont traitées de cette façon assez consensuelle finalement. Elles ne sont pas du tout traitées comme chez les anarchistes eux-mêmes. Voilà. Alors, je voulais dire un petit mot des chansons révolutionnaires qui se renouvellent beaucoup dans cette période. On est dans la période juste avant Couté. Bon, Couté est né en 1880, et là, c'est la période où plein de choses se passent. Elles se renouvellent, donc je vous en dis un petit mot, mais je m'arrêterai quand même à un moment ou à l'autre. Hein, donner des signes. Je suis attentive à vos signes non-verbaux. Donc, les chansons militantes aussi. Donc, tout le monde a des préoccupations sociales. C'est une décennie où le social, c'est drôlement important, parce que en fait, la bourgeoisie est en train d'essayer de mettre sur pied son projet, un peu comme ce qu'on a maintenant, un projet consensuel où tout le monde va être d'accord, plus ou moins la chèvre et le chou, surtout la chèvre, hein, le chou, moins. On va être tout le monde d'accord, et ça va être très bien, mais surtout en faisant rien de révolutionnaire, hein, mais en faisant des petites mesurettes. Dommage la chèvre, parce que chez les anarchos, il y a beaucoup de végétariens. Il y a non plus pour ne pas pouvoir se laver, jouer le rôle du chou. Et donc, c'est intéressant à voir si vous les comparez, les thèmes de café concert et les thèmes de chansons révolutionnaires, c'est qu'elles abordent un peu les mêmes sujets, beaucoup les mêmes sujets, mais dans les deux cas, vous avez des chansons très très pathétiques, hein, l'entrecôte, voilà, des chansons comme ça au café concert, très très attendrissantes, mais on ne demande jamais d'où ça vient ces situations, quoi. Les roses blanches, le petit rose coréen, on a plein. Mais donc, ils représentent déjà la catégorie sociale, le café-concert commercial et les autres. Les travailleurs, le plus souvent des ouvriers, des femmes, des enfants, les femmes avec beaucoup le thème de la prostitution, des enfants, des vieillards, des miséreux. Et la tonalité est souvent très sombre, hein, dans les chansons de café-concert aussi. On y parle de la dégradation causée par la misère, de la faim, de l'entrecôte. Hein. Mais ça nous fait rigoler aujourd'hui parce que c'est tellement pathétique, mais enfin, les gens, ils pleuraient parce qu'ils savaient ce que c'était qu'il y a, hein. La dégradation physique, la souffrance, le désespoir, et au café-concert, il n'y a pas les bons sentiments humanitaires, hein. C'est vraiment ça, c'est le noir, noir, noir, hein. Ils en mettent des couches de noir, mais bon, voilà. Mais la langue, en revanche, elle n'est pas du tout révolutionnaire, et c'est en général le bon français de l'école. Rappelez-vous aussi que du côté du consensus, donc, la bourgeoisie a mis en place cette arme absolue très importante. Il y a d'un côté, pour rendre les gens un petit peu tous pareils, on a d'un côté la grande presse, hein, le petit journal, tout ça, et de l'autre, la grande presse qui mouline un peu toutes les choses à sa façon pour justement, hein, les faits divers pathétiques aussi, on connaît ça maintenant avec la télévision, hein, pour le crâne avec des faits divers pathétiques, et pendant ce temps-là, vous ne savez pas du tout de quoi parlent les lois, ce qu'on est en train de faire, qui concerne directement. Donc d'un côté la grande presse, de l'autre l'école, hein, gratuite mais obligatoire aussi. Hein. Et qui est en train aussi de bien sûr mouliner, patriotiser. Les chansons militantes sont différentes, elles parlent des mêmes choses, mais elles abordent aussi des sujets qui sont impossibles au café concert à cause de la censure, le commentaire de l'actualité au jour le jour, hein, mais on ne peut pas parler de ça au café concert, et aussi des thèmes plus généraux, des chansons de programme, des chansons pacifistes, des chansons féministes, et nombreuses chansons sur les classes sociales avec un point de vue de classe. Hein. Des chansons avec donc des oppositions fortes entre prolétaires d'un côté et bourgeois de l'autre, et la bourgeoisie et ses institutions, et souvent des chansons très très satiriques, hein, sur la police, etc. Et la différence, c'est que quel que soit le groupe qui est représenté, c'est un point de vue de classe, c'est-à-dire que le malheur ou le bonheur ne sont pas individuels, ni fatal, et ni éternels. Hein. Il y a ce point de vue historique, c'est de la lutte de classe, tout ça. Et on y parle beaucoup aussi donc des violences institutionnelles, la prostitution, bien sûr, mais aussi des accidents du travail, des mortalités policières, tout ça. Et on incite à l'action. Peut-être, je suis passée un petit peu quand même. Ah oui, je voulais développer pour vous quand même le fait que les anarchistes, mais ça, ici je reprends le magnifique travail de Gaetano Manfredonia, que vous connaissez certainement, qui sur la chanson anarchiste, très très beau travail, immense, hein, sur une immense érudition, sur les chansons anarchistes, qui montrent comment les anarchistes, eux, développent des thématiques propres au sein du mouvement révolutionnaire. Ils chantent les mêmes chansons que tout le monde, ils chantent Petit et Clément aussi, mais ils ont une vision du monde et qu'on va retrouver chez Goûter. Et c'est assez important parce que à partir de 1895, surtout les idées anarchistes se répandent beaucoup à travers le syndicalisme dans tout le mouvement ouvrier, et donc ça va être très important. Donc, ce qui est intéressant, me semble-t-il, ce qui a nourri certainement la poésie Goûter, c'est qu'ils font une place plus importante que les autres à l'épanouissement de l'individu. Ils réfléchissent plus à la vie privée. Comment dans votre la plus intime et vos choix les plus personnels, tout est politique au bout du compte. Et leurs chansons donc réfléchissent aussi aux questions de morale. Elles critiquent les préjugés et préconisent une autre morale, en particulier en matière de sexualité, où il faut l'amour libre, hein, je ne vous apprends rien, l'épanouissement des sens, la passion, hein, écoutez, ça marche beaucoup à ça, à la passion aussi. L'influence de Rousseau est importante, bien sûr, l'idée du retour à la nature qui serait. Et plus généralement, si vous voulez, l'idée de changer la vie quotidienne des individus ici et maintenant, de réfléchir à la vie quotidienne dans toutes ses dimensions sans attendre le grand soir. Mais en pensant politique quand même. Hein. Donc on est aussi dans des idées qui, pour nous, je pense que pour beaucoup de gens de ma génération, c'est aussi des idées de 68, mais qui sont des idées déjà présentes dans le mouvement ouvrier à cette époque-là. Et je pense que ça va être très très important dans les histoires que va raconter Goûter. Ces histoires qui sont des histoires très complètement individuel. Chaque histoire, c'est une histoire complètement différente d'une personne. Souvent, hein, c'est une histoire d'une vie ou d'un moment important de vie. Elles sont toutes différentes. Et en même temps, d'une façon ou de l'autre, on retrouve derrière ça la division de la société en classe et le mal que ça fait. Également intéressant, donc ça c'est les travaux de Manfredonia toujours, hein, il y a donc le mot de gueux, de canaille, etc., c'est les mots qu'emploient de miséreux, c'est un mot qu'emploient les anarchistes, et il traite aussi, comme tous les autres courants, et comme le café-concert, hein, le mot de pathétique, hein, il y a beaucoup de chansons pathétiques sur la misère, hein, Jean Misère, les grands best-sellers de l'époque. Mais il y a aussi un personnage anarchiste qu'on retrouvera chez Goûter, c'est le bon bougre. C'est-à-dire, il y a des joyeux lurons. Une autre image de l'art populaire qui est complémentaire de celle-là, et je crois que les deux existent, et les mêmes personnes, me semble-t-il, hein, les gens qui souffrent beaucoup, quelquefois ils sont complètement, ils n'en peuvent plus, et quelquefois ils aiment bien rire quand même. Et on trouve ça dans la culture, dans les chansons anarchistes de cette époque-là. Le bon bougre qui aime la vie, qui n'a pas fait d'études, mais qui a un solide consens. Vous le trouverez peut-être un peu plus tard dans les pieds nickelés, vous savez, Ricotin et puis le chat. Il ne s'en laisse pas compter. Hein, il n'a pas l'intention de se laisser impressionner. Et c'est le personnage qui est lancé par Émile Pouget dans son journal Le Père Pénard, qui est fondé justement à Montmartre au milieu des années 1880. Le Père Pénard, avec un langage populaire, un ton très violent, et c'est souvent très rigolo, et c'est un journal qui paraîtra jusqu'en 1900, très souvent condamné, interrompu, mais continuera. Et une autre figure représentative qu'on retrouve dans la chanson anarchiste, mais pas ailleurs, c'est des réfractaires, des gens qui, des irréguliers, hors normes, des gens hors du système. Donc c'est pas pareil que beaucoup les socialistes, c'est l'ouvrier, hein, leur héros, l'ouvrier, il va arriver, il est irrégulier. Chez l'anarchiste, il y a ce personnage, souvent donc errant, donc ils ont une grande tendresse, un grand intérêt pour chez Goûter, pour les vagabonds aujourd'hui des MDF. Hein. Donc en fait, c'est celui qui refuse de se soumettre aux contraintes de toutes sortes et de la société marchande en particulier. Et ces représentations n'étaient pas celles de tout le mouvement libertaire, mais ont eu beaucoup de succès et elles se sont beaucoup répandues. Et il y a un chansonnier qui est tout à fait représentatif de ça, dans sa vie et dans ses chansons, c'est Paul Payette. Donc Paul Payette, qui avait vécu très très longtemps, qui était un chauve énergique, qui aimait beaucoup les belles femmes et les bons vins, et qui faisait des chansons, il arrivait à vivre, il était ouvrier, mais il publiait ses petites plaquettes, il les vendait lui-même dans les cabarets, ça tapait toujours, et à chaque fois il changeait l'âme, d'ajouter un petit peu, ça fait toujours taper dans les arts. Donc un petit livre de quelqu'un qui n'est pas trop fatigué. Et voilà. Il était épicurien, bon vivant, à cause de la liberté sexuelle. Probablement qu'il a écrit, il a été un des nombreux nègres d'Aristide Bruant, qui n'a pas tout écrit lui-même, hein, il n'avait pas autant de talent que ça. Et il a été aussi un député. Malgré leur différent d'âge, il était beaucoup plus vieux. Voilà, et il a fait bon, différentes chansons très connues, très populaires, donc Heureux temps, et puis aussi Les enfants de la nature, Les enfants de la nature qui fait un portrait des anarchistes, bien comme ça. Et puis voilà, donc un petit mot sur les gueux, donc ça c'est dans le mouvement ouvrier. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe au cabaret, là où Couté va faire sa carrière? Donc les gueux au cabaret, je peux continuer encore? Oui. Au contraire. Alors les gueux au cabaret, j'arrive au cabaret quand même, je voulais y arriver, mais on est obligé pour comprendre le cabaret, pour comprendre ce que ça a été le cabaret, parce que le cabaret c'est un melting pot de tout. Ils empruntent à la grande littérature, au café-concert, à tout, et ils font un petit mélange de tout ça, et c'est leur originalité en fait. Et en plus ils se moquent de tout. Mais ils empruntent quand même beaucoup à tout ça. Donc au cabaret, oui. Donc au cabaret, c'est plutôt le mot de gueux, qui est aussi un mot des anarchistes, qui va être utilisé. Et il y a plusieurs œuvres que je voudrais vous présenter très rapidement, mais qui sont intéressantes parce qu'elles ont certainement été importantes pour tout le monde, on le sait. Et puis c'est intéressant pour nous de savoir finalement ce qui se passait dans la chanson, de savoir comment on représentait la misère, les ouvriers, tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que les gueux? Eh bien, c'est déjà le titre d'un livre qui paraît en même temps, quasiment en même temps que les deux livres, l'humanitaire de François Copé et d'Eugène Manuel, si attendrissant et si peu révolutionnaire, paraît La chanson des gueux de Jean Richepin. Il paraît presque en même temps, 1876, hein, donc début des années 70, mais donc après la Commune. Hein. Donc écrivain issu de la bourgeoisie, c'est un bourgeois, hein, grande famille, mais très attiré par la marginalité, et il a pas mal bourré sa bosse pendant quelques années, et il a tiré toutes ces histoires qu'il raconte dans la chanson des gueux. Et la chanson des gueux lui vaut une condamnation, hein, on est quand même pas encore en 1976, la République n'est pas encore bien stabilisée, et c'est encore assez sévère à une période de transition, une amende, un mois de prison, mais ça lui vaut aussi la célébrité. Et l'ouvrage a énormément contribué à mettre à la mode ce mot de gueux et cette thématique des gueux au cabaret. Mais alors, si on regarde un petit peu plus près, en fait, il y a trois groupes différents, il y a trois parties dans le livre. Les gueux, il y a les gueux des champs, et là, c'est les mendiants qui étaient sur les routes à cette époque, véritablement, qui avaient le temps d'un temps. Les gueux de Paris, ça, c'est ce qu'on va retrouver chez Truand après. Bon, là, on va reprendre dans cette filière-là, les clochards, les truands et les prostituées, hein, les gens du milieu. Et puis nous autres deux, c'est les poètes, les artistes et les bohèmes. Donc finalement, les vrais misérables là-dedans, c'est seulement la première catégorie, hein, ceux qui vont sur les routes. Et ce qu'on remarque, si on regarde de près, et surtout quand on connaît Couté, qui a le riche pain, hein, c'est que c'est très ambivalent finalement. Les textes, ils parlent vraiment de miséreux, donc ça ne vaut pas seulement un tiers du volume. Ils opposent certes les pauvres aux riches, mais la pauvreté est vue de deux façons complètement différentes. C'est très ambivalent. Tantôt, elle est associée à la pauvreté égale, vagabondage, liberté, plaisir simple et naturel, c'est magnifique, d'être sur la route, etc. Et il n'y a pas les contraintes de la propriété, du travail, tout est beau. Et là, donc, Richepin reprend les clichés associés à la bohème, qui était déjà en train de se développer. Et tantôt, la misère apparaît plutôt comme donc la fait un peu artistique, mais tantôt la misère apparaît comme quelque chose, une injustice, une cause de profonde souffrance et à laquelle il faut remédier. Mais il y a les deux. Et Richepin finit souvent ses textes, contrairement aux humanitaires, qui jamais parlé d'aucune action, sauf de donner un peu d'argent. Richepin finit souvent par une incitation à l'action, adressée à ses lecteurs, mais elle aussi est ambivalente. Tantôt, il fait appel à la pitié, exactement comme dans la poésie humanitaire, il faut avoir pitié, il faut donner. Ou alors, ce sont les gueux qui parlent, et là, ils parlent sur un ton menaçant, comme dans les chansons militantes. Et ils disent qu'ils vont mettre le feu, et ça va pas être. Donc il y a les deux, il y a tout dans Richepin. Richepin, si vous voulez, il cristallise un petit peu l'ambivalence de comment la bourgeoisie pouvait voir les misérables au début des années 70, comment elle se les figurait de différentes façons. Et les formes des poèmes sont une grande virtuosité. Richepin est aussi, on pourra se dire ça tout et aussi, il est aussi bon que Hugo au point de vue, c'est très très travaillé, il y a plein de formes différentes. Et on peut penser que c'est à la fois cette combinaison de réussite dans la forme, c'est très très très très, c'est très fort en forme, et en même temps de du thème, c'est la cristallisation de l'intérêt de la bourgeoisie pour les misérables et de son ambivalence aussi, qui a intéressé beaucoup et qui a fait le succès du livre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le cabaret, il y a eu du succès, beaucoup de succès au cabaret, mais au café-concert, où certains titres ont été interprétés par de grandes vedettes, pas les plus subversifs évidemment, et aussi chez les militants, il y a un Noël misérable dans la chanson des Gueux, qui sera longtemps réécrit par plein de gens, y compris par Couté, qui va faire le Noël de la femme qui a grimpé et qui a fait de mauvaises années. Donc c'est une réécriture du Noël misérable. Et puis il y a un texte qui a eu beaucoup de succès, qui était un des plus subversifs, qui s'appelle Les Jacques, et très incendiaire, très bien gay, il faut mettre le feu partout, allez, ça suffit. Les Jacques, voici les rouges de part, je crois que c'est ça. Et ça a eu beaucoup de succès, peut-être inattendu pour Michelin. Les anarchistes et les socialistes ont beaucoup aimé chanter les Jacques et ça a toujours beaucoup été réédité. Alors, mais le plus célèbre héritier de Richepin, évidemment, c'est Brûlant, qui lui choisit une des voies ouvertes. Comme je vous l'ai dit, hein, ça a marché au café concert, ça a marché au cabaret, ça a marché un petit peu dans le mouvement ouvrier, mais ça a marché surtout chez Brûlant, qui suit l'une des voies ouvertes par la chanson des Gueux, c'est-à-dire les textes en argot sur les personnages de la Pèvre, prostituée et truand, hein. Et qu'il adapte évidemment pour le spectacle de cabaret avec un costume, une écharpe rouge, etc. Il y a aussi, c'est intéressant de savoir que le groupe, il y a des monologues et des chansons. Brûlant n'a pas écrit que des chansons, il écrit beaucoup de monologues, mais bien sûr, les chansons, ça marche mieux, et donc c'est ça qu'on se rappelle. Les personnages, contrairement à ce que c'est, c'est assez important de quand même, si on accepte de leur donner la parole. Je résume beaucoup, hein, mais c'est assez répétitif quand même, Brûlant. C'est souvent un petit récit de vie, avec début, naissance et mort, et ça finit en général assez mal. Et les souteneurs, les prostituées, les vagabonds qui parlent sont souvent assez contents de leur sort, hein, sont plutôt gays, mais d'autres sont tristes. Et il est souvent question de souffrance et de misère, mais on retrouve ici cette ambivalence. Qui était déjà chez Richepin, même si les histoires finissent tragiquement, à quelque près sur la guillotine, quelques comparaisons avec les riches, pas souvent. Hein. C'est les pauvres qui parlent, ils sont dans un monde à eux, et voilà, ils parlent de leur vie, et c'est tout. L'opposition qui est tellement importante dans la chanson révolutionnaire, et dans le dessin révolutionnaire aussi, hein, de la Setover, montrer qu'il y a les deux. Hein. Mais quand on pense à l'actualité d'aujourd'hui, hein, on vous montre, hein, oui, c'est bien triste, etc., mais on ne vous montre pas tous les milliards qui fuient par ailleurs. Quoi. Donc, chez Richepin, on s'enferme finalement dans la pègre. Et très rare l'expression d'un sentiment de révolte devant l'ordre social. Hein. Le plus souvent, on ne prend pas position. C'est un constat fataliste. C'est Brûlant. Brûlant, ça c'est Brûlant. Le Richepin, quelquefois, mais Brûlant n'aura pas repris ça. Hein. Le plus souvent, voilà, c'est comme ça. Hein. À la Bastille, voilà. Et finalement, l'impression d'ensemble, c'est celle d'un monde. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que les naturalistes aient beaucoup aimé, et que Zola adorait Brûlant, parce que c'est un peu pareil, un monde où des êtres obéissent à leurs instincts, à la fatalité, ils sont nés dans un certain milieu, ils vivent quelque temps plus intensément que les bourgeoisies, au jour le jour, et puis ils meurent soit dans la misère ou de mort violente, et ça y est. Voilà. Et ces textes ont fait fureur au cabaret, mais aussi au café-concert. Mais c'est important aussi peut-être de percevoir le déplacement qui s'opère, puisque la représentation, il choisit de limiter à la pègre finalement, alors que dans la culture révolutionnaire, les misérables, c'était plein de monde, hein, c'était quasiment tous les ouvriers. Là, on limite à une frange, certes, qui est originaire des couches populaires, qui est devenue la pègre et les truands, mais c'est très très limité. Et finalement, ce glissement arrange bien du monde, on ne parle plus des autres. Et ils sont circonscrits même géographiquement, ils sont dans certains quartiers de la ville, etc. Alors, un petit mot sur le pauvre de Jean Rictus, qui lui aussi va avoir du succès, mais moins. Mais quand même, les débuts de Rictus se situent après ceux de Brûlant. Brûlant, donc, c'est une immense star des premiers cabarets, c'est-à-dire début années 1880, et il va avoir un succès phénoménal. Il est invité dans les salons pour des sommes folles, va venir chanter ses chansons, etc. Il finira très très riche. Hein. Rictus, c'est pas la même chose, parce qu'il commence plus tard et les choses sont en train de bouger. Et il commence une dizaine d'années après Brûlant. Il commence quasiment en même temps que Couté, un an avant Couté. alors qu'il est beaucoup plus jeune. Mais très souvent, on va les rapprocher dans la critique. Fin 1896, il commence à écouter, lui, il arrive en 98, deux ans après. Et lui, il a écrit, donc toujours ce titre, Les soliloques du pauvre. Hein. Cette fois-ci, c'est plus le gueux, c'est le pauvre. Et en français populaire, il dit ça sur l'un des cabarets les plus réputés, les Cadars, et des plus intéressants à cette époque encore, parce que le cabaret s'était déjà pas mal calmé. Très bien accueilli par la critique, il paraît en volume l'année suivante, hein, qui n'aura pas ce bonheur, l'année suivante au Mercure de France, le grand éditeur de l'avant-garde. Rictus reprend beaucoup des idées du style de Bruant, alors que ses références, c'est jamais Bruant, il est toujours je fais du mignon, pour moi c'est clair, c'est très important. Mais, il se réfère à Richepin aussi, mais pas à Bruant. C'est des textes en français populaire parisien, ils sont beaucoup appréciés par l'avant-garde. Mallarmé lui dit oh, c'est magnifique, Mallarmé c'était pas rien comme référence à l'époque. Et l'écriture est effectivement beaucoup plus personnelle que celle de Bruant-Bruant, c'est quand même un peu toujours la même chose. D'ailleurs, il écrit quelquefois tout le temps sur les mêmes musiques. Hein. C'est beaucoup plus personnel comme univers. Hein. Il y a des images, par exemple, de choses qui n'a jamais très très touché Bruant. Des images, c'est quand même très important dans la poésie. Il y a une présence du corps qui est très forte. Un corps malade et misérable hein, chez les pauvres de sales, affamés aux odeurs repoussantes. Mais il y a du sexe aussi, hein. Souvent, ça a quand même une certaine relation avec l'anarchisme, parce que les anarchistes parlaient de sexe sur le mode sérieux, personne d'autre ne le faisait, parce que les autres n'en parlaient pas, hein. Normalement c'est le 19e siècle, on ne peut pas parler de sexe, hein. Même Zola, etc., quand il a fait, quand on arrive au moment crucial, il la posséda, et puis on tourne la page, hein. C'est fini. Alors qu'il est capable de mettre trois pages sur un repas pour voir comment il mange. Ils sont complètement coincés, naturalistes, compris devant le sexe. Hein. Au café concert, on ne pense qu'à ça, évidemment. Et il y a la tête jolie fille déshabillée et en plus c'est des lieux un peu de prostitution déguisée. Mais au point de vue parole, si vous voulez, il n'y a que deux alternatives. La grivoiserie, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais, jamais, jamais parler, dire les mots. Hein. C'est le petit objet qui vous fera plaisir, la famille Gros Poirot, la chevrolet, la jolie trombone, le piston, les pruneaux chez Brotte, les pruneaux chez Potin. Elles sont très rigolotes, hein, et ça joue tout le temps sur le double sens, on ne dit jamais les vrais mots. Hein, donc c'est d'un côté la grosse rigolade, ou de l'autre, les romances éthérées, sentimentales, mais à pleurer, mais qui sont très belles, hein, et ou alors il est hors de question de parler du corps, ça n'existe pas. Donc on est enfermé dans cette dichotomie dans tout le 19e siècle. Et finalement, les rares qui peuvent parler de corps d'une façon sérieuse, donc Rictus est une des personnes qui le fait, mais ça vient aussi, je pense, de la culture anarchiste pour qui le corps, ça compte, et de la culture libertaire et de sa réflexion sur la libération du corps. Il arrive à en parler un peu. Et ces idées politiques et sociales de Rictus comportent une composante anarchisante, anti-républicaine, anti-cléricale, et il fait lui aussi un poème qu'on a souvent confondu avec celui de Boutet, qui s'appelle Le Christ, où on voit un Christ qui revient et qui a pitié de lui, etc. Donc un Christ plus humain est tout à fait différent. Le revenant, c'est ça? Ah oui, c'est le revenant, ouais. Voilà, c'est ça, le revenant. Mais alors, ce qui est chez Rictus, en plus la forme, pourquoi ça va bien marcher, c'est que des longues litanies, c'est long, hein, et c'est long, c'est très démoralisant, c'est résignation et désespoir en gros. Hein. Donc on traîne dans Paris, hein, ça peut être comme ça aussi, évidemment, mais les mouvements de révolte retombent très vite, hein, et le plus souvent, c'est tristesse profonde et dessin incarnant, et on ne peut rien, voilà. Il est très bien reçu, hein, les élites, évidemment, c'est un petit peu mieux écrit que Bruant, et les élites trouvent ça formidable, donc Mallarmé, Blois, les libertaires s'intéressent aussi à Rictus, mais d'une façon plus nuancée, hein, ils ont quelques réserves. Voilà, et donc c'est aussi une œuvre très très ambivalente. Un cas intéressant, finalement, il y a quand même un filtrage, même au cabaret. Le cabaret, vu le public qui est, il est épargné par la censure. La censure ferme les yeux, parce qu'il y avait des gens très, y compris les ministres, qui disaient non, c'est pas grave, on y va. Laissez-le tranquille. Donc le cabaret n'est pas soumis à la censure. Mais il y avait quand même, et surtout vers la fin du siècle, ça commence, la dépression. Et c'est intéressant de savoir que, aussi bien Bruant que Ritus sont très ambivalents dans leur façon de considérer la misère. Il y a un petit peu de révolte, un petit peu de révolte, mais si peu que rien. Et c'est intéressant de savoir l'accueil qui a été fait à Paul Payet, donc cet anarchiste bon vivant et joyeux et très, très populaire chez les anarchistes, qui passait aussi dans presque tous les cabarets de Montmartre. Mais il n'a pas été engagé au Chat Noir, qui était le plus grand cabaret, parce que le patron lui demandait des coupures et il a refusé. Donc ça a été quand même ce Chat Noir qui était soi-disant si libre, hein, quand vous voyez tous les livres qui ont été cités sur le Chat Noir, c'est totalement libre, en attendant, il y avait des choses qui étaient trop anarchistes pour ça. Après les autres, je n'ai pas tout vu, hein, je suis pas quelqu'un d'intéressant. En 1894, il est à un autre cabaret, la ville japonaise. Un de ses poèmes provoque une plainte d'un spectateur qui dénonce au préfet de police l'établissement comme un repère d'anarchie. Et le cabaret est fermé pendant plusieurs mois. Donc, même au cabaret, c'était pas si simple que ça. Il y avait un filtrage. Hein. Et puis, dernière figure du peuple qui surgit, alors cette fois-ci, si vous pouvez encore tenir un petit moment, en fond, du coup, je vais pas pouvoir parler tout de suite, mais j'en dirai trois mots quand même. Pour montrer comment goûter avec tout ça, pour moi, c'était très important de comprendre d'où il venait. Il vient de tout ça. Mais il va beaucoup plus loin parce qu'il est poète et parce qu'il est anarchiste, je crois. Et il est deux en même temps. Il arrive à être les deux d'une façon complètement cohérente. Pas seulement anarchiste, ça ne suffit pas pour être poète. Pas seulement poète, ça ne suffit pas pour faire des poèmes révolutionnaires. Les deux. Mais il était à fond. Et c'est aussi pour ça qu'il est mort aussi jeune. Donc, un mot d'une immense vedette qui surgit à cette même époque, qui est une autre figure du peuple, le peuple paysan, c'est Vautrel. Théodore Vautrel, le roi de Breton, Vautrel de Beau, comme lui dit Servant. Ah bon? Alors, il est artiste peu connu à l'époque, et il a l'idée de proposer en 1887, donc exactement la même époque, la même année où commence Rictus, deux ans avant que Côté arrive, donc on est en pleine recherche sur les représentations du peuple, et en pleine affaire Dreyfus, en plein tout ça, en pleine essayer de trouver un système cohérent où le peuple pourrait s'entendre avec la bourgeoisie. Donc il y a une énorme réflexion partout sur les représentations du peuple, et vous pouvez le proposer la scène, et vous allez voir, elle va avoir un succès fou. Il y a l'idée de proposer à Félix Mayol, qui est une vedette montante, qui va devenir une immense vedette très, très peu de temps après, une chanson, La Timpolaise, qui devient un grand succès populaire. Et l'année suivante, il a l'idée de chanter lui-même dans un cabaret, mais en costume traditionnel breton, chose qui ne se faisait pas du tout au cabaret. Les gens étaient en costume de ville. La Timpolaise, et il ajoute tout un répertoire de chansons bretonnes de sa composition, Les Mouchoirs de Cholet, etc. Succès immédiat. Dès 1898, deux ans après, les chansons de chez nous paraissent en un volume qui est tiré à 50 000 exemplaires, qui reçoit un prix de l'Académie, un prix montant, c'est-à-dire un prix de deuxième catégorie pour les populaires méritants, mais un prix de l'Académie, c'est quand même une énorme reconnaissance et de l'argent. Vous vous rendez compte que, hein, non, on est en 98, hein. Écoutez, va arriver bientôt, donc ils arrivent des buts en même temps. D'autres recueils suivront, Vautrel va faire des tournées dans toute la France, dans le monde entier. Mayol est une autre très grande vedette, Eugénie Buffet, chante ses chansons au café et concert, une reconnaissance commerciale brillante, aussi brillante que celle de Bruant 10 ans avant. Hein. C'était en français, pas en breton. C'était en français, voilà, oui, c'était en français avec un mot breton, mais pour faire joli, hein, vraiment par-ci, par-là. Et en fait, voilà, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une énorme réflexion qui est en train de se mener à ce moment-là autour du. Les paysans, quel est leur rôle dans la société, qui sont-ils, comment leur parler, comment en parler, etc. Pourquoi? Parce que juste un petit retour en arrière, mais en fait énorme, parce que depuis l'Antiquité, les chansons et toutes les descriptions des paysans au théâtre, partout, c'était fait par des citadins, par des gens des villes. Et il y a à peu près une tradition qui revenait déjà dans l'Antiquité. Les paysans sont soit des êtres toujours idéalisés, on trouve ça chez nous, soit des êtres naturellement bons, qui vivent au contact de la nature, avec les moutons, les petits oiseaux, etc., et qui sont purs. Hein. Donc, ou qu'on appelle réaliste en littérature, qui est plutôt satirique, ou qui sont balourds, naïfs, et ils font rire tout le monde. Des Cassines. Voilà, des Cassines, absolument. Et les paysans de Molière, les paysans de Beaumarchais, les paysans de tout le monde, hein, de Fernand-Reynaud, etc. Et vous les retrouvez même, pas trop déformés, chez Pagnol, hein, dans Manon des Sources, vous avez les naïfs, un peu attendrissants, mais voilà, et puis très près de la nature, etc. Donc, il y a un côté, dans le côté réaliste, il y a un côté noir, hein, qui apparaît au 19e siècle, c'est un peu la révolution, et bonjour un peu peur des paysans. Mais ça, c'est une invention du 19e siècle, c'est les paysans avares, et qui veulent plus en plus à tout pour avoir de la terre. Mais ça n'existait pas avant 1789, mais ça traduit un peu les affrontements. Les paysans faisaient rire, ne faisaient pas peur, mais donc là, vous trouvez. Alors, ces images, vous les retrouvez au café-concert, et vous les retrouvez bientôt au café-concert, où il y a énormément de paysans comiques, il y a beaucoup de sketchs au café-concert aussi, où les paysans font énormément rire. Et puis, immense succès, gigantesque succès sentimentaux de l'idylle, alors de leur présentation idéaliste, la chanson des blés d'or, la chanson des peupliers. Qu'est-ce que c'est cette chanson de Je crois en toi, maître de la nature. Le credo des paysans, mais. avec les chanteurs à voix. Tout le monde dit j'ai le grand bleu. J'ai le grand bleu dans mon état. Alors, elle est formidable, cette femme, parce que vous m'avez directement où je voulais aller. C'est que les grands chansonniers révolutionnaires qui ont fait donc Dupont, le chant des paysans, et Clément, le temps des frites, mais beaucoup d'autres chansons après, sont aussi des chanteurs immensément populaires de chansons comme ça. Donc Dupont se fait aussi connaître, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils font les deux, c'est complètement clivé, et c'est là qu'on va arriver à écouter, lui, il va faire autre chose, ou bien il chante des chansons idéalisées, j'ai deux grands bleus dans mon état, c'est magnifique, j'ai encore plus que ma femme, tellement ils sont beaux. Ça veut dire qu'il a de sa femme au moins de les deux. Voilà. Il y a mon cochon, etc. Et puis, donc, c'est ce qu'on appelle des romans, c'est des romans paysannes. Il y en a énormément, énormément. Et ils font aussi des chansons, le chant des paysans, il faut du pain, etc. Et tout se passe comme si ces chansons, ces représentations qui, pour nous, apparaissent quand même assez contradictoires, elles coexistent sans aucun problème pour le public. C'est ou l'un ou l'autre, on est habitué, c'est complètement stéréotypé, si vous voulez, la représentation paysanne. Alors, quant au cabaret, eh bien, les paysans n'intéressent pas beaucoup le cabaret, ce sont des citadins, ils ont une place tout à fait mineure, et c'est essentiellement, avant Baudrel, il y a eu des Bretons moins connus, mais qui ont fait des romances assez connues, justement, alors j'ai aussi quand même, quand j'ai lu de la mer, si ça vous dit quelque chose. Donc, une romance très bien pensante, voilà. Et ce sont, celui qui a fait quand j'ai lu de la mer, c'est un licencié S-Lettre, qui a fait de la chanson bretonne, parce que ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 1890, juste comme Couté va arriver? Eh bien, la question de l'identité paysanne émerge dans toute la conscience sociale, parce que, pour toutes sortes de raisons, la crise agricole, les honoraires s'accentuent avec la crise, les paysans arrivent dans les villes, la République vise à intégrer les paysans, c'est absolument essentiel, c'est la classe la plus nombreuse de la nation, et ça va rester pendant longtemps. Il est essentiel de les comprendre, il est essentiel de se faire comprendre d'eux, or c'est un autre monde hein, pour les bourgeois. Et en plus, avec les progrès de l'alphabétisation, l'école, c'est très important, on va donner à lire des textes aux paysans, la littérature qui va être produite sur les paysans, elle va pouvoir jouer un rôle de modèle, parce que les gens vont savoir lire maintenant. Donc les personnages de paysans, il faut faire attention à ce qu'on fait comme personnage de paysans. On ne peut plus faire comme Balzac, bourgeois écrivain, bourgeois écrivain pour des bourgeois, les paysans c'est des monstres lubriques qui pensent à s'enrichir. On ne peut plus faire ça, parce qu'il faut des très bons modèles quand même. Alors, on va beaucoup réfléchir tout ça. Les bourgeois doivent comprendre les paysans, doivent se faire comprendre d'eux, ils veulent les intégrer à leur modèle de société. Ça va amener à beaucoup de réflexions sur, finalement, l'inadéquation de ces deux représentations sur lesquelles tout le monde était content jusqu'ici depuis des siècles et des siècles. Le paysan balourd et les niais, d'un côté, qui fait rire, et de l'autre, le paysan rousseauiste, pour aller vite, hein, dans sa chère nature, plus un tout petit peu de chanson révolutionnaire chez Pierre Dupont, mais enfin, c'était très peu connu. Puis avec le train, la bourgeoisie va aller à la campagne aussi. Certes. Oui. Mais enfin, on va enlever le monde paysan aussi. Mais on peut aussi le jour. Lâche, tout ça. Mais on peut quand même garder l'idylle. Et vous en avez des exemples avec, comment il s'appelle, l'âne aussi doux, marchant le long des houes, pyrénéen, là, hyper énorme et célèbre de l'école, ça va me revenir. Francis Jam. Francis Jam qui n'a jamais quitté ses Pyrénées. Mais alors, pour le côté cliché, il est en plein dans l'idylle, à fond la caisse, hein, Francis Jam. Et puis, bien sûr, Peggy, d'une autre façon. Et donc, en littérature, eh bien, ce débat a lieu, surtout dans le roman, il est déclenché par Zola, qui a déclenché quand même beaucoup de choses, avec son roman La Terre, qui était un peu de suite, d'une certaine façon, des Pays Blancs. La Terre, c'est en 1887, donc milieu d'année 1880. Mais, alors, comme beaucoup de livres de Zola, ça a provoqué une levée de bouclier, mais ça a été un énorme succès de librairie. Et très de marque des paysans, hein, donc dans la tradition de Balzac. Mais il contient des aussi des éléments, parce que quand même Zola s'intéresse à ces choses, des éléments nouveaux avec des explications économiques et historiques. Il ne travaille pas sur une idée d'une nature paysanne qui serait toujours la même et éternellement. Il commence à se demander pourquoi les paysans sont comme ça et quels seraient les remèdes possibles à cette situation. Et ces éléments existent dans ce livre. Et à partir de ce livre, se déclenche quelque chose de très intéressant dans le roman. Il y a eu un roman qui s'est appelé roman rustique social, parce que la plupart des romans rustiques, il y a eu toute une vague énorme de romans rustiques très bien pensants, qui étaient beaucoup diffusés dans les écoles à cette date, mais il y a eu le roman rustique social, et original et intéressant, Jaco le croquant de Jeanne Leroy. On l'a vu à la télé. Et vous l'avez aussi, vous aussi, parce que c'est drôlement bien Jaco le croquant. Et tout ça, ça sort, les deux ils sortent alors en même temps que Jaco le croquant, il y a eu La Terre qui meurt de René Bazin qui a un roman très bien pensant, et un film après, La vie d'un simple d'Émile Guillaume, écrit par un paysan, oui, qui était ultra rare. Hein. Et tous ces romans donc commencent à penser un petit peu cette situation des paysans d'une façon différente. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas très supports. En même temps, un courant qui se répand beaucoup dans cette époque-là, c'est le régionalisme. Alors le régionalisme, c'est une autre version, et donc vous trouvez dans le spectacle avec Beaufrère, hein, un mouvement culturel, littéraire, politique et social. Hein, c'est un énorme mouvement, le régionalisme, qui est un... Oui, voilà. Impulsé par une jeunesse qui arrive sur la scène sociale et qui veut se faire reconnaître, et qui est d'origine provinciale. Voilà. Mais malgré toutes ces recherches nouvelles que je viens de vous énoncer, en fait, dans la littérature, ce qui reste le plus important, c'est la tradition, avec surtout beaucoup, quand même, on fait moins de romans où on rit beaucoup des paysans, on les ridiculise complètement, c'est plus trop en odeur de sainteté, mais beaucoup d'idylles, le paysan c'est formidable, alors les herbes qui sont bons, qui sont beaux, soyons comme eux, mais surtout qu'ils ne devront pas être propriétaires ou avoir le pouvoir. Donc Francis Jeanne, très important. Immense succès de poésie. Vous ne connaissez pas là de ces loups, Marchand de Landes, vous n'êtes toujours pas resté à l'école. Donc, il publie la même année que Couté arrive, sur la scène, il publie son premier recueil de poésie, très joli, mais très simple, dans la poésie de Jeanne et d'autres aussi, qui fait parler des paysans, mais souvent d'une façon très très simple, comme si c'était des gens vraiment très très très simples. Et très très vite, les poésies de Jacques sont inclus dans les morceaux choisis de l'école, ça passe comme une lettre à la poste. À l'école primaire, il n'y a que ça. Ah voilà, il n'y a que ça. Et encore, quand je dis qu'il parle, il parle très peu. Souvent, dans mes livres, dans un hôtel, j'avais vraiment épluché un peu ce que fait Jacques, mais je me rappelle d'un poème, il dit oui, il y a les paysans, il y a les montagnes, il y a les animaux, il y a le coucher de soleil. Et moi, je suis très émue devant toutes ces choses. Toutes ces choses sont très belles. Pour vous dire vraiment ce qu'il écrit, c'était vraiment quelque chose, c'est un peu. Et donc, dans la chanson, on a une vague de succès de l'idylle, parce que la chanson, en fait, suit quand même d'assez près la littérature. Dans la littérature, ce qui marche, c'est l'idéaliste, dans la chanson aussi. Et on a donc en 94 le fameux Angélus de la mer, un compositeur très très célèbre, Gustave Goublier. Donc sur les paroles de l'autre, là, compose Angélus de la mer. Et voilà. Vautrel, bien sûr. Donc, en gros, c'est l'idylle qui domine la représentation idéalisée, rousseauiste, etc. Dans la chanson aussi, minimalement, et écoutez, va être là-dedans, apparaissent des tentatives de représentation nouvelle. C'est pas très grand non plus en littérature ni en chanson. On a Aidant en commun, c'est représentation nouvelle de traiter sur le mode sérieux les paysans. Mais pas idylle, pas idéalisé. Et la plus célèbre, c'est peut-être là, une chanson de Jules Jouy, qui était un grand chansonnier qui a fait beaucoup d'œuvres révolutionnaires aussi. Mais avant monter, il l'a dédié à Zola. Et puisque Zola a écrit La Terre en public, en a fait une chanson. Hein. Et puis, intéressant dans la chanson militante, il y a une œuvre importante qui paraît en 1893 dans le Perpénat, et qui connaît un grand succès, et qui s'appelle La chanson du gars. La chanson du gars en patois, ça ressemble beaucoup à l'écouter. Vous la retrouvez dans la belle anthologie de Robert Bressy, où il y a toutes les chansons révolutionnaires. Donc c'est le père Lapurge, l'anarchiste, le père Lapurge, Constant-Marie, donc qui était un cordonnier. Et ce texte, c'est une énergie prise de parole d'un paysan qui parle dans un français doré, là, un français du nord de la France, hein, comme côté. Parce qu'il y a les français d'oc et les français d'oeil, hein, donc un français qui ressemble à celui de côté, ça reste compréhensible, il y a même des jeux de mots. Et c'est assez intéressant parce que si vous lisez de près, vous voyez qu'en fait, il y a deux, ça parle de deux autres textes célèbres. Ça commence par une parodie, enfin une référence au bœuf de Pierre Dupont, j'ai de grands feux dans mon état, et ça se termine sur une référence au Jacques de Richefin. Les Jacques et Jacques, voici les rouges Pâques. Donc on fait un itinéraire avec ce poème qui est en patois et qui est mis dans la bouche d'un paysan qui n'a pas l'intention de se laisser faire. On fait un itinéraire en plus des bœufs au Jacques. Hein. Alors je ne sais pas si c'est dans les époques, mais vous ne parlez pas de leur poème Le Petit Quintien. C'est un peu de la même époque. Ça décrit une ouvrière, une dentelière, qui essaye d'endormir son petit garçon, et à travers ça, on voit toute la misère. On la voit, mais c'est quand même pas un poème révolutionnaire. Mais oui, si, c'est la chaleur. Chaleur qui fait quand même une analyse de la société, quand même, pas mal. Si tu me laisses faire une bonne semaine, j'ai des décrochés de mon piété, je pense. Hein. Ton beau sarrau, ton pantalon de drap, quand j'ai des belles, comme un petit minor, tu seras par beau. On pleure, hein, parce que bien sûr, elle aura pleuré. Mais c'est sur attendissant qui passait au café concert. Hein. Mais donc ça, pardon. Et puis, vous n'avez pas tourné de filles. Ah, mais allez, aïe, aïe, aïe. J'ai pas le temps parce que je suis sur Paris et filles. Oui, le poème. Filles ouvrières, c'est la même chose. Elle finit découpée en morceaux sur une table d'anatomie. Quoi. Voilà. Ça, c'est quand même. Filles ouvrières, c'est précisément de Jules Jouy. Et bien, voilà. Qui a écrit La Terre. Hein. Et ça, c'est d'Alexandre Desrousseaux, grand chansonnier patoisant du patois de Lille. Tellement, ça lui fait. Ça a été, je crois que les gens se sont identifiés à ça, on verra. Donc voilà. Donc moi ce que je voulais dire, c'est que parler en patois, c'est sûr que déjà, au point de vue identitaire, c'est fort. Mais il ne suffit pas, il y a eu beaucoup de chansons en patois qui sont très très réactionnaires. Pas votre fait, c'est même pas en patois, mais il y en a une quand même. Donc finalement, on arrive, quand tout arrive sur la scène littéraire, j'arrive à goûter, ça va se terminer, mais il arrive à un moment charnière où tout est ouvert en fait. Ça va se refermer, tout va se refermer dans 5 ans, mais personne ne le sait. Hein. Nous, vers 68-70, on ne savait pas que tout allait se refermer comme ça. Donc on est à un moment où tout bouge beaucoup, on pense encore que plein de gens de toutes les sortes, on est en pleine affaire Dreyfus, en plein, 98, en pleine, c'est une grande période d'ébullition sociale, littéraire aussi, hein, même si c'est des petits courants, et ça se répercute aussi dans la chanson, donc aussi la poésie. Et c'est vraiment une période charnière où on a l'impression que tout est possible. Écoutez, va arriver à ce moment-là à 18 ans, mais il est très précoce, hein, heureusement, il n'a pas fait parce que le pauvre, et il est mort très vite. Et, peut-être, comment faire? Jusqu'où je peux aller, dites-moi honnêtement, parce que je voudrais pas juste à minuit. Bon, je parle pour participer, je vais parler un petit peu, parce que on va bientôt attendre Marie-Marie dans 3 secondes. J'ai essayé là de réfléchir sur les principaux traits qui font que Goûter reste, et il restera tout le temps. Et ils sont aussi les traits. De toute façon, après, on va discuter autour d'un verre. Voilà. Là, et puis, après, c'est juste ici, il y en a qui sont pressés, ils le disent, sinon, on a le temps. Hein. Mais je vais quand même être plus bref, hein, parce que voilà, on peut le faire sur discussion. Je vais annoncer un petit peu les aspects sans les développer, qui paraissent importants. J'ai essayé de voir cette poésie, comment elle est, et pourquoi elle fait ce qu'elle fait, quoi. Donc, j'ai passé du temps, et donc, il me semble que j'en ai compris quelques petites choses dont, que je vais essayer de vous faire part. Hein. Ce qui reste, c'est bien sûr ces idées généreuses et belles, mais qui sont celles de tellement de militants, les nôtres, je pense tous ici. Hein. Donc c'est pas seulement les idées, c'est parce qu'il arrive à les faire passer dans l'écriture, parce qu'il l'a cherché, et je pense trouver, et s'il n'y avait pas eu tous ces changements historiques, il y aurait certainement eu d'autres gens après lui, il a cherché des formes, il a cherché avec des mots, avec des formes politiques, à mettre ses idées dans une forme où elles deviendraient très fortes, mais une autre forme que... Pas l'abstraction de la poésie, quoi. Pas la poésie, il écrit dans la guerre sociale, il y avait aussi des articles, hein, et il en faut, il y avait aussi Marx et tout ça, mais là c'est une forme poétique qui arrive à toucher, par l'émotion, à faire passer une vision du monde qui est la sienne. Hein. Donc, bien sûr, hein, ce qui tient une place centrale dans sa poésie, c'est la révolte passionnée contre l'injustice sociale. Des idées, hein, que vous avez, je ne sais pas, vous les détailler trop, l'antimilitarisme, l'apologie du binaturel et donc la critique de l'école républicaine, ce qui me permet, parce que je vous ai la absolument, de passer la parole à Marion qui va nous dire l'école, ce superbe poème. Ou en même temps, et c'est, j'en parlerai après, mais en même temps, on est indigné, mais en même temps, ça fait rire, il y a les deux. Quoi. Les tuyaux matineux sont déjà par les chemins et dans leur malaise de grosses toiles bleues qui dansent et berlancent en leur tombant le cul, ils portent des livres à côté de leur pain. Le matin est joli comme 36 sourires, le soleil est doux comme les yeux des bêtes. La vie ouvre aux tuyaux son grand livre sans lettres, où ce qu'on peut apprendre sans la peine de lire. Ah, les pauvres tuyaux livres que ce serait malaise. La moisson est mûre et les blés sont longs. Ils se penchent vers la terre comme les tâcherons qui les ont fait venir et les abattront. Ça sent la galette de fournir des riches. Sur la route, passent des tireurs de pied de biche. Les chiens de deux troupeaux qui vont en tête, qui vont au patin. Les moutons et tout et les mères brebis, frais et sans terriche le long des brémailles. Malgré que les bergers se soient engloutis un soir d'assemblée pour une garçaille. Dans les haies d'aubier qui sont roses et blanches, les moineaux s'accouplent à toutes les branches, sans se douter que les hommes se marient devant l'air. Et c'est aussi la pire liée au drôle, l'amour, que l'on rejette des livres d'école quasi comme une chose qui ne serait pas à faire. À l'orée du bois se trouve une grande croix, mais les peupliers sont plus grands qu'en bois. Le faux soigneux en camarant sous une pierre, on baptise au bourg, les cloches sont claires et les vignes poussent vertes sur l'ancien cimetière. Ah, les pauvres tulipes que se démalettent sont seulement par foutu de vous entrer en tête. Et dans ce ticket-là, il y a de quoi s'empire le cœur. À s'empire le cœur, on deviendrait des hommes, ou méchants, ou bons, n'importe d'un comme, mais vrai, comme la terre. En friche ou en fleur, le soleil qui fait vivre, ou la foudre qui tue, et franc, aussi franc que la franche nature. Les tuyaux ont marché dans dix bâtiments, côte sud et au vin sec et de désert, haute comme une prison grise, comme une caverne. L'école est devant eux, qui leur bouche le chemin. Le maître d'école les fait mettre en rang d'oignon et vivre à leur tête comme un général. Arthur, la partie qui vit dans le bal. Ça, c'est pour les cognos, mais qui trop fiers. On rentre dans la classe, où ce qu'a fait le bon Dieu, on l'a remplacé par la retraite. Le maître leur explique ce qu'on lui a expliqué quand il était comme eux. Il leur compte, en haut, les tueries de l'histoire et les tuyaux n'entendent que... Ouais, victoire. Il dit que le travail, c'est la liberté. Que le peuple est souverain puisqu'il peut voter. Que les lois qu'instrumentent nos bons députés sont respectables et doivent être respectées. heureusement. Je veux démontrer par là aux enfants qu'il y a des règles pour tout, même pour la lessive, et qu'il faut les suivre déjà, dresse école. Il pétrit à même les petites cervelles molles. Il rabat les fronts têtus d'une calotte, il verse son encre sur les fraîches menottes, et, menteux, fouilleux, au sortir de ses bancs, les pitiots ne sont plus bons qu'à ce qu'ils attendent. Ça fera des conscrits, des gens de révision traînant leurs crapauds par tous les bordels, des soldats à foutre guerre des canons pour si peu que les gros ayant de la querelle, des bûcheux en grippe autant des machines, des bons citoyens à juge de doigts, pousse de bulletin de vote et cracheux d'impôts, des cocus devant l'église et la loi qui cracheront sur les pauvres gourmandines, des honnêtes gens, des gens comme il faut, qui crèveront, serrant le maillot d'un palais, sans voir les étoiles qui fleurissent au ciel et la brillante fleur aux quatre coins de la plaine. Lui, le vieux maître d'école, aux femmes de ses jours, aura les cheveux blonds d'un déclin d'âge pur. Il sera ensaré de l'estime de tout le bourg et touchera les rentes du gouvernement. Le vieux maître d'école ne sera pourtant qu'un grand malfaiseux devant la nature. Bravo. Donc, ben, je vais un petit peu énumérer vite fait, hein, puis après on ira voir du coup, les aspects qui me paraissent importants, enfin, il y en a tellement, hein, pour, j'ai cru tout aller dessus, mais en vitesse quand même. Les thèmes, c'est à la fois c'est des histoires d'amour, c'est des histoires de paysans, et c'est des histoires de révolte et des incitations à la révolution. Donc il y a tout ça mélangé. Hein. Donc vite fait. Sur l'amour, eh bien, c'est des histoires, il y a beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup de poèmes d'amour, ça parle aussi du désir, ça parle du plaisir, ça parle de la relation amoureuse, c'est souvent très difficile. J'ai écouté l'amour, c'est difficile, hein, tout but, en but à toutes sortes de contradictions. Les contradictions intérieures, hein, les poèmes d'amour sont tristes, hein, il y a la fidélité, la lassitude, il y a l'usure, il y a des poèmes souvent très amers, mais aussi des contradictions sociales, il y a les deux. Hein, et il y a un antagonisme violent, hein, irréconciliable entre le désir amoureux, le désir qui est une force qui fait tout craquer, mais l'ordre bourgeois qui est aussi fort que lui. Donc c'est très très dynamique cette façon de concevoir, c'est des histoires d'amour, mais elles sont quand même très très, d'une façon dialectique si on veut. C'est une lutte toujours recommencée, et ni l'un ni l'autre n'abandonne, ni l'amour n'abandonne. Si j'avais le temps, en vrai, si on avait le temps, on pourrait écouter, bon, l'amour qui se fout de tout, hein, l'amour anarchiste, l'amour ça se fout des parents, ça se fout des amants, ça se fout de tout. Et le mariage, évidemment, et le deuil du bonheur, hein, les unions se font pour des motifs d'intérêt, ou bien les hommes avec leur attitude autoritaire, hein, comme dans les bornes, considèrent les femmes comme leur propriété, comme des objets, ils s'en moquent. Vibrante dénonciation de la situation des femmes, hein, c'est vraiment d'une grande actualité. Hein. Revendication de leur droit au bonheur, et bien sûr, on l'a entendu tout à l'heure dans le point de presse, mais bien sûr, on va l'entendre une fois encore avec Marie-Vonne, et ça va être un grand plaisir de l'entendre dire l'idée des grandes gares. Donc, cette réflexion sur la morale sexuelle, sur ce qui pourrit la vie des gens, du côté social, même si aussi au côté individuel, les histoires d'amour sont difficiles. Juste parenthèse, on ne sait rien sur sa vie amoureuse. Quasiment rien. Il a eu quelques vagues choses. Une fois, il était avec une amie l'été dans la maison qu'il louait pour l'été. Mais ça, rien de durable, apparemment. Non. Probablement, d'après sa poésie, on voit qu'il y a eu une blessure profonde quelque part. Sûrement, hein, mais... Le chef-lieu de canton a 3 villas et Garalec. On ne peut pas y péter sans tout le monde en faire saute. La moitié du pays mouchard aux choses de l'autre et les vilains coups de Dieu pondent les mauvais coups de bêche. Pourtant, sur les vieux murs noirs comme l'esprit du bourg, la belle saison fait bien lancer les chirurgies. Pourtant, dans le bourg de son oiserie et modesté, il y a des gars et des filles qui sont dans l'âge d'amour. Là comme ils s'aiment. Les galants reviennent d'après l'ouvrage par les rues où ce que leur belle épouse demande la fenêtre. Pour sourire capable, un grand bonjour bébête, deux pivoines de honte qui éclatent sur les visages. Ils font point, marcher, divertissent. Rouet qu'on tourne à deux pour filer du bonheur et qui reste entre eux comme un rouet sur l'armoire parce que. Et là. Et le monde, quoi qu'il dirait, Seigneur. Vous n'avez jamais vu le monde dès que c'est un couple que les écouteurs ont pris en effet un beau jour. Et sur la place, au sortir de la messe, par petits groupes, vous n'avez jamais vu le monde pavé sur l'amour. Alors, les filles renfoncent les envies qui les rongent, souffrant tout bas du désir qui piquent dans leur peau blanche, comme leurs aiguilles d'acier dans la blancheur du linge le dimanche. Car la vie n'est pas loin. Oscar, la garnison, le marquet, la préfecture, l'évêché, le tribunal, la ville, enfin, la ville où on se trouve, vous savez, la maison derrière la cathédrale. Donc, les gars butinent, tenus, étant dans la salle au compte, une grosse chouette est bouchée en bas du numéro, ma petite agneau, on paye d'abord, après on monte. Les deux à coup, ça me donne d'abord mon petit cadeau. Et les gars, faites bien cher, ils sont allés bien loin, hein, ce que les filles de chez eux voudraient donner pour un. Puis, les cotons se déshabillent. Et quand leur chemise chute, devant leur corps usagé par le frottement des routes, devant leurs tétons molasses comme des blancs fromages mous, les gars songent et ils doivent se dire dans leur songerie. Il y a des pauvres fruits qui se perdent dans les enclos de chez nous, faut que je cale volant après des pommes polies. Enfin, les pauvres femelles rentrent dans les bras des mâles, comme en termes limon, quelques juments fondus. Et puis, les vlas qui poussent, qui tirent, qui s'emballent pour charroyer les autres vers la joie qu'elles ne trouvent plus. Mais elles, quand on y pense, comme elles seraient banales, les Marie-Claire du bourg, les Twénon, les Thérèse, si qu'elles se trouvaient à quart pour le quart d'heure, à la place des Gothons de la ville, leurs tristes sœurs, victimes, comme elles, qui tenaillent, les crucifient, les vierges, au nom de la même morale. Mais quoi ? Leurs affaires faites, le soir, les gars redévalent. Mais quoi ? Leurs affaires faites, le soir, les gars redévalent vers le pays où ce que les attendent leurs bonnes amies. Ils redévaleront souvent. Elles attendront longtemps. D'aucuns reviendront avec du poison dans les veines. D'aucuns dépériront, comme les giroflées viennent à mourir sur les murs de la sécheresse. Puis, par un coup, avant leur signe, elles font boutique. Les vieux disant, ma fille, faudrait un bon gars. Un bon gars, faudrait une femme pour servir la pratique. Ils finiront avec toutes les guêtres à la le blessera depuis longtemps le mur quand ils n'auront leur jambe. Après beaucoup coup des carillages, ils feront l'amour. Ayant remis au lendemain ce qu'ils auraient pu faire le jour, à cause du monde, qui ment jusque dans ses proverbes. Et ils deviendront eux-mêmes ce monde infect qui fait des enfants pour pouvoir les faire souffrir quand arrive la saison des girofles fleuries dans le méchant monde de Trois-Dames et bien avec. Sans appel. Vous voyez, quand on pense aux chansons bruyantes que tu as tellement adoré la compagnie comme représentation du peuple, elles sont toutes pareilles, les chansons bruyantes, comme on commence une, vous voyez déjà la fin. Là, on a entendu trois textes de Coutet, complètement en même temps. Je crois que c'est un des proches de la vie, c'est que, le travail poétique qu'il fait dans la composition, hein, je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup, mais à chaque fois c'est différent. Vous ne savez jamais, vous savez comment ça commence, vous ne savez pas comment ça va continuer, vous ne savez pas comment ça va finir. Et puis là, dans les travail de structure circulaire, ça se ferme, ça commence, hein, et ça se fait. on est fermé, même dans un poème, on n'est fermé pas. Donc il y a un travail sur la forme qui lui-même, ce travail sur la forme, il contredit complètement ce que la bourgeoisie aime bien entendre comme chanson du peuple. C'est des petits trucs très très simples, parce que le peuple c'est des gens simples, parce que c'est des gens simples. Et sans sujet, c'est jamais simple, jamais. Et puis il avait des problèmes. Donc, deuxième thème, donc c'est des histoires d'amour, c'est des histoires de paysans, mais donc le contraire de tous les clichés de la vie paysanne. Chez Choucouté, il n'y a jamais. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un immense éventail de groupes sociaux. Déjà, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des grands-mères, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des fermiers, il y a des métayers, il y a le préfet, il y a les bourgeois en villégiature. Il y a le vagabond, etc. Il y a de tout, de tout. Donc, rien que ce cliché paysan, il devient complètement impossible. De part aussi, parce qu'il prend un nouveau personnage à chaque fois, ce personnage, il a une identité. Et même ceux qui sont pareils, hein, qui ont la même identité sociale, ils n'ont pas la même histoire, etc. Donc, on se trouve vraiment, ça fait voler en éclat le cliché, un paysan, c'est quelqu'un comme ça, quoi. Et en plus, vraiment, je crois que vraiment, j'en suis sûre, parce que j'ai regardé les thèses d'assez près, il fait exprès de. Il n'y a jamais de couleur locale. Ça peut se passer n'importe où, c'est chez nous. Enfin, j'ai l'air chez nous. N'importe où dans la France, du moins les gens de la France, en gros, le patois. Et donc aujourd'hui, ça peut se passer presque n'importe où. Il ne fait jamais de description, jamais de. Les scènes obligatoires qui étaient dans les romans paysans, c'était le marché, hein, avec toutes les couleurs, les poules, les cochons, les oies, les poules, les noces. Y compris les enterrements, par exemple, même qu'on fait réaliste, ils font l'enterrement en or, etc. Donc les scènes de la vie paysanne, comme ça, le bal, tout ça. Et ce qui est intéressant, quand vous regardez de près, non seulement il n'y a pas de couleur locale, il n'y a même pas de couleur comme ça, un peu sociale. Et ce qui l'intéresse, c'est l'envers du décor. En fait, c'est les relations entre ces gens qui sont là, c'est pas ce qu'on peut voir de l'extérieur. Et il le fait. En particulier par un point de composition sur lequel je voudrais attirer votre attention qui est intéressant, par exemple le point qu'il presse. Il fait une noce paysanne, et comment il l'a fait? Eh bien, il l'a fait par quelqu'un qui raconte quand c'est fini. Ça, c'est une belle noce. C'est fini, tout le monde est parti, au revoir. Et on passe derrière, on passe vraiment sur l'envers du décor, on passe là où. Si on est un bourgeois qui regarde ce qui se passe et qui raconte, on ne peut pas arriver, c'est entre. Le marié et la mariée, qu'est-ce qu'il va se dire? Un poème de Couté qui s'appelle En suivant le noce. Et là, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, il y a un cortège, c'est un vieux et une vieille, ils se donnent le bras dans le cortège de noces et c'est ce qu'ils se disent. Et c'est leur histoire d'amour parce qu'en fait, ils n'ont jamais pu se marier, ils ont dû se marier avec un autre, etc. Et ce qu'ils se parlent ce jour-là en mariant la fille de l'un avec la fille de l'autre. Ça non plus, ça ne peut pas se regarder de l'extérieur, mais on pourrait faire. Les plus célèbres poèmes de Couté, ils ont souvent cette forme-là. Après Vendange, c'est un superbe poème où c'est un vagabond qui parle. Il est tout le temps juste à la fête. Ce n'est pas la fête des Vendanges pittoresques ou de l'extérieur, c'est celui qui est exclu de la fête qui parle. Et c'est par ses yeux qu'on va le voir. Ce n'est pas celui qui est dedans. Enfin, il y en a plein, hein, y compris Monsieur Imbu, un poème célèbre de Couté. C'est l'enterrement du maire, mais on ne voit pas l'enterrement. C'est quelqu'un qui revient de l'enterrement et qui raconte « Ah oui, le maire, il était comme ça, il était comme ça, etc. » Et puis ça se finit par « Tiens, on va s'inventer un marque-pote, la vie à vivre. » Et donc, c'est toujours la parole des gens. Il y en a plein, hein, en revenant du bal, par exemple. Il n'y a pas le bal, ça commence « Allons, petit homme, il faut s'en aller, les violons, les faire du parole. » Et magnifique poème aussi. Il est dans mon disque, ouais, j'ai dit. Revenant du mal, donc on ne voit pas le bas, on voit rien, on voit ce qui se passe entre les deux amoureux qui se parlent. On dit que Gautrel, il envoie au bal. Pardon? On dit que Gautrel, il l'envoie danser dans la prairie. Gautrel? Oui. Ben oui, va me dire que j'aime le temps maintenant danser à la prairie. Alors ça, c'est coûté quand même. Ah non? Va danser, si, il en a pas. Va danser? Va danser, c'est. Oui, mais c'est pas. Ah, il y a peut-être deux va danser. Peut-être. Et. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est. Les idées morales et sociales, elles apparaissent à travers toutes ces histoires, une critique très radicale dans l'ordre social bourgeois, mais finalement. Et les valeurs qui sont défendues, là, vous les connaissez, la justice, la gratuité, le partage, l'amour libre, le pacifisme. Mais ça se passe à travers des histoires. Par exemple, c'est une automobile qui est de bourgeois qui va briser l'harmonie du soir. C'est tous les plaisirs sont entravés et empêchée par des relations sociales très souvent. Hein. Et j'ai parlé de sexe, mais et d'amour, de mariage, etc. Mais il y a aussi la boisson, la nourriture, ça apparaît toujours. C'est pas pour tout le monde. Donc, si vous voulez, si on pense à la littérature, finalement, écoutez, c'est un grand apôtre du plaisir, de la joie de voir tout ce qui est beau, d'en profiter, etc. D'une certaine façon, on peut le relier à la culture populaire qui fleurit chez, par exemple, chez Rabelais, c'est vraiment la joie de vivre, il faut boire, il faut chanter, il faut être heureux, il faut apprendre plein de choses, vivre de tous les côtés, etc. Mais là, on est après, dans un monde où il y a la lutte de classe. Et tous ces plaisirs-là, ils ne sont plus pour tout le monde. Et les histoires que raconte Goûté, c'est qu'on aimerait tellement ça, et puis il raconte comme personne qu'est-ce que c'est qu'un bon vin, qu'une bonne galette chaude, avec du beurre dedans, etc. Et puis il nous fait mettre tout à la bouche, sauf que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a toujours, dans ces histoires-là, il y a se mettre quelque chose en travers. Et donc, et bien sûr, donc tout perd, la nourriture, la boisson, le bien-être devient le privilège de quelques-uns. Et même les choses les plus importantes du monde, la sexualité, l'amour, la fécondité, puisque avoir un enfant, ça peut devenir le monde, les choses les plus belles deviennent perdre leur sens, et elles font l'objet de réglementations, d'interdits, etc. Et surtout, la mort est organisée sur une grande échelle avec la guerre. Et ça appartient, ça arrive toujours. Mais c'est jamais, jamais, jamais avec des mots abstraits, c'est saturé à la poésie, c'est toujours à travers les paroles de quelqu'un, qui le dit. Donc, encore, allez, à 2h30, j'arrête, on revoit le cours. Vite fait, très important, et j'en ai déjà parlé de ça. Donc, c'était la thématique, hein, de mélanger à la fois des histoires d'amour, des histoires de paysans, et conscience de classe très forte, et tout ça est complètement imbriqué à travers des histoires personnelles. Et des histoires personnelles très diverses, et donc, les textes de Goûté sont souvent à la première personne, et comme je vous disais tout à l'heure, il a fait le choix d'être la voix des sans-voix. C'est pas pour lui qu'on a dit ça, mais il prête sa parole, sa parole poétique magnifique, à des personnages complètement différents de lui. C'est intéressant de savoir qu'il a presque son premier poète, c'est Jean de Navio, c'est un vieux qui dit « je suis, là, il est vraiment vieux, qui ne peut plus marcher. Et c'est un beau poème sur un vieux, et ses derniers poèmes, c'était aussi. Et puis il a fait plein de poèmes sur des vieux, sur des femmes, et des bonnes femmes, etc. Des gens très différents de lui, mais il avait cette empathie qui lui permet d'écrire ses poèmes. Il s'intéressait à ces gens et il écrivait des poèmes, non pas sur eux, mais pour eux, en quelque sorte. Et pour moi, on pourrait mettre un exemple de toute l'œuvre de Goûté. Ce passage que je vais vous citer du discours du traîneux, c'est le discours du traîneux, c'est aussi il arrive après, il y a la cérémonie d'inauguration d'une statue, dont tout le monde a fait les cérémonies, tout le monde est parti, et lui il arrive et il va faire le discours du traîneux, et il s'adresse à la statue, et il ouvre la bouche et il dit, et là, ça y est, ils ont tous parlé, ils ont tous bien parloté, on voit que c'est des gars qui a été dans les écoles. Moi, monsieur, je suis guère orateur, mais quoi, sommes tous nous deux masters. Je prends la parole. Et c'est bien ça, je crois. Les personnages de Goûté, ils sont guère orateurs, mais chez Goûté, ils vont pouvoir se faire entendre. C'est des personnages qu'on n'entend jamais, une vieille enfermée, un petit porcher, des gens comme ça. On les entend pas jamais, ils n'ont pas le droit de citer, ils n'ont pas le droit de se faire entendre. Et chez Goûté, leur voix va se faire entendre sur une scène. Et ça, c'est un choix très très important. Et c'est très amusant de voir que les bourgeois qui ont toute la parole dans la vie où on est. Hein. C'est eux qui ont tout, ils ont les journaux, ils ont les médias, ils ont tout, l'autorité, le pouvoir. Et chez Goûté, ils disent pratiquement rien du tout, ils apparaissent dans très peu déjà. Ils apparaissent une fois dans l'automobilisme et avec leur voiture. Et tout ce qu'on entend d'eux, c'est qu'ils font teuf, teuf, teuf. Et puis dans l'odeur du fumier, où c'est le paysan qui se régale d'aller mettre leur main de l'année dans son village. Ah, ça fait là, vous savez que ça fait les gens. Et ils font juste poire. Donc ils sont complètement. Il inverse complètement le pouvoir de la parole, quelque chose quand même. Je pense qu'il a beaucoup réfléchi là-dessus. La parole, c'est du pouvoir. Se faire entendre, c'est très important. Et je voulais, donc, pour moi, c'est très très important de voir la relation entre un poète gigantesque du 19e siècle et que Goûté admirait beaucoup, qui était Hugo, hein, Goûté a beaucoup, beaucoup lu Hugo. Et écoutez, si vous voulez, Hugo, parmi les romantiques, hein, c'est un de ceux qui ont été le plus sociaux, qui sont le plus intéressés, il a quand même écrit Les Misérables, il a écrit La Nuit des Riches sur la Commune, etc. Il a beaucoup, beaucoup pensé comment faire pour parler de la misère et des gens qui souffrent, etc. Mais chez Hugo, il est prisonnier de sa conception, là je mets un tout petit peu de littérature, elle a parlé beaucoup jusqu'ici, la conception romantique du poète, c'est le poète, c'est quelqu'un qui, il a un don, hein, c'est une sorte de génie, hein, il a un don et il est capable de parler de tout et de tous. Et donc, c'est toujours Hugo qui parle. Il a fait des beaux poèmes, hein, comme les pauvres gens, il en a fait des plus subversifs. Hein. Il a fait des poèmes où il y a vraiment les gens avec les chapeaux de fleurs, les fêtes, etc., et les autres qui crèvent en face. Il a des poèmes très, très sociaux, mais c'est jamais, jamais une seule fois Hugo n'a l'idée que ces gens, le poète romantique, il parle pour tous les autres. Il a ce don, et c'est lui qui l'a, et personne d'autre ne l'a. Donc il n'a jamais une seule fois l'idée que ça serait peut-être intéressant d'écouter la parole de ces pauvres gens, il leur donne deux répliques dans son long poème et ça y est. Et donc je crois que vous croyez qu'il y a beaucoup de Hugo, mais qui a aussi vécu d'autres choses que lui, hein, qui est une génération largement après, bien sûr, mais Hugo est quand même mort très tard. Il est, avec ses idées de l'anarchisme, lui il est convaincu que chaque être humain est important et a quelque chose à dire. Et en fait il met ça en pratique dans sa poésie. Et en cela, moi, je le comparais bien à je ne sais pas si, je me suis beaucoup intéressée au folk américain à une époque, au chanteur folk de Woody Guthrie, qui se promenait dans les années 30, et qui écoutait les histoires des gens, et qui faisait des chansons formidables avec. Et c'est un petit peu pareil, écoutez, il raconte des histoires comme ça, et c'est des chansons que personne n'oublie plus, et ces gens, ils disparaissent pas, quoi. Alors, deux mots sur le mauvais français, écoutez, il parle mauvais français, donc là aussi, il refuse complètement la caricature. Si on fait parler un paysan, dans les textes où on les fait parler dans les textes où ils sont idéalisés, ils parlent très bien, chez Rousseau, les paysans, c'est formidable, ils parlent bien. Et dans les textes où ils sont ridiculisés, ils parlent à patois, minable et ridicule, c'est essentiellement des Javions, des Bio, etc., et beaucoup de foot. Si vous regardez n'importe quel écrivain qui a écrit sur les paysans, Zola, Balzac, même Georges Sand qui les aimait bien, ils mettent plein de fautes pour un paysan, c'est quelqu'un qui parle en disant yo, en disant yon, et avec des fautes. Donc, Coudet refuse ça complètement, il écrit dans la variété française qu'on parlait dans son coin. J'ai vérifié, hein, parce qu'il y a des études linguistiques de l'époque, c'est vraiment 98% des mots qu'on trouve dans Coudet, on les a trouvés dans les enquêtes linguistiques de l'époque, ça se parlait dans son petit coin de l'Orléanais. Hein. Et en fait, du coup, ce langage, déjà, il n'est pas ridicule, il est complet, il est même très très riche. Hein. Y a plein de mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, il y a plein de mots, hein, c'est des mots drôlement intéressants. En poésie, c'est intéressant d'avoir des mots qui sont un petit peu différents, qui vous font partir un petit peu ailleurs. Hein. Par exemple, si on dit la croustille au lieu de dire la nourriture, eh ben, c'est plus intéressant, c'est pas pareil déjà. Ou licher au lieu de licher, c'est à la fois boire un coup ou manger de la soupe, donc c'est pas pareil non plus, hein, etc. Donc là j'ai plein d'exemples, donc déjà c'est un français riche, pas du tout infirme et ridicule, il n'y a pas d'erreur, c'est cohérent. C'est aussi un français, c'est un français de vers 1900, hein, qui comporte beaucoup de mots populaires, hein, qui sont encore modernes aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas un français qui est coupé, il y a des mots d'un mot parisien dedans, hein, bouffé, tout ça, des mots qui existent encore aujourd'hui. Ce n'est pas comme Bruant qui, lui, il met des mots d'un mot, il les entasse et les entasse jusqu'à ce qu'on ne comprenne plus rien. Écoutez, il met exactement les mots d'un mot qui étaient arrivés jusqu'à sa province, c'est pas loin de Paris, hein, et qui reste encore très très souvent actuel. Donc du coup, il y a un effet de modernité et il y a aussi un effet de désengagement, c'est-à-dire que ces paysans, ce n'est pas des gens qui vivent sur une autre planète, c'est des gens qui disent bouffer comme vous et moi, etc. Ils disent aussi licher, mais ils disent aussi bouffer, quoi. Donc c'est plutôt une richesse. Et ils ne sont pas coupés de nous, donc il y a des mots modernes, il y a aussi préfecture, tribunal, donc c'est aussi un patois d'aujourd'hui, quoi. Donc ce n'est pas un langage ridicule, c'est tout simplement un langage différent. Alors, ça ouvre sur une différence, ce langage. Ça dit, tous ces mots, ils disent qu'il y a une différence, mais ce n'est pas une infériorité. Ce n'est pas le français de l'école en moins bien. C'est une autre façon de parler qui est tout aussi intéressante. Or, le lien entre poésie et invention de mots, il est très important. Il y a des poètes qui créent des mots, hein, les mots que l'eau, l'horizon, tout ça. Mais ils créent des mots individuellement, tandis que écoutez, lui, il nous fait connaître plein de mots qui ont été créés par un groupe. Et donc ce groupe social apparaît créatif. peux penser, si vous voulez, à ce que je, pour les écrivains antillais aujourd'hui, qui écrivent en français, mais en mettant plein de mots antillais, et qui nous obligent à accepter leurs différences et pas à penser qu'ils devraient parler français. Mais aussi ce que fait Rabelais aussi. Oui, absolument. Et donc, finalement, décider d'écrire, c'était quand même culotté, hein, décider d'écrire en patois et d'arriver à provoquer de l'émotion en patois. Parce que patois, ça avait toujours fait rire, toujours. Il a réussi, ça, parce qu'il est, parce que c'est quand même un grand poète. Mais il faut savoir que la majorité des textes très, très subversifs, hein, tout ce qu'on vient d'entendre, ils sont en patois. Et ça fait partie. Ce qui affirme, j'ai le droit de parler en patois, c'est déjà un petit peu une révolte contre l'ordre. Et quand même, la langue et l'identité, c'est extraordinairement profondément lié. Hein. Donc si on vous interdit de parler comme vous parlez chez vous, on vous censure votre identité, on vous casse une partie de votre être. Quoi. Et donc il y a une revendication. On a le droit, on est des paysans, et ben oui, on ne parle pas comme vous. Ça veut dire qu'on n'est pas comme vous, mais on a le droit. Hein, et donc c'est très important. Après quelques petites choses, je ne vais pas dire tout, mais des choses importantes, je ne vais pas les dire tous. Je crois que c'est une poésie, contrairement à beaucoup de poésies en général, hein, de cette époque et d'après, c'est pas une poésie qui essaye d'exprimer comment l'auteur voit, c'est ça aussi, comment l'auteur voit le monde, mais c'est surtout une poésie qui veut vous changer, qui veut vous faire bouger de votre chaise. Et donc, écoutez, en fait, deux types, on rit et puis on est ému. Et on est très souvent aussi interpellé. Donc, il y a deux types de choses, si vous voulez. C'est une poésie de l'émotion, qui essaie de vous émouvoir, de vous toucher avec une grande énergie. C'est très, très important. Donc, il y a beaucoup de phrases exclamatives, de phrases interrogatives. Vous êtes tout le temps pris à partie. Alors, et vous, vous voyez que c'est si facile, etc. Donc, on est tout le temps dedans. On ne peut vraiment pas dormir, hein, en écoutant ce texte, mais... Pas en écoutant la révolte qui dit écoutez, hein, parce qu'il vous parle à vous. Hein, et beaucoup d'exclamatives, beaucoup d'interrogatives, donc beaucoup d'affects, beaucoup d'émotions. Beaucoup aussi, donc du côté de la révolte, il y a beaucoup de répétitions qui vous comme ça dans la tête. Hein, la répétition, c'est une figure de toute expression orale, on répète beaucoup à l'oral, mais surtout quand on est passionné. Quoi, c'est toute une écriture de la passion. Mais il y a aussi, et ça me paraît très très important, et Marie-Bond l'a tellement bien fait ressentir que je pourrais vous passer vite, il y a très très important, c'est qu'il nous fait aussi rire. On sort de goûter, requinquer plein d'énergie, et je crois que c'est ce qu'il veut faire. C'est pas une poésie seulement pour entendre comment il doit être, c'est une poésie militante au sens où il veut vous donner de l'énergie, vous faire voir la justice, vous faire... montrer que c'est impossible de bouffer la vie aux gens comme ça, de les empêcher d'arriver au bonheur, à l'amour, à avoir un coup, etc. Qu'il y en a qui ne peuvent pas, c'est inacceptable. Donc il y a une figure très importante, j'ai écouté, bien sûr, c'est l'antithèse, hein, l'opposition, des oppositions partout. Hein. Les crucifix, les vierges, les putains, au nom de la même morale, etc. Il fait plein d'oppositions, même dans la composition. Hein. Voilà. Donc c'est très très impliquant, parce que ce genre de poème, c'est quand même, c'est la poésie à dire, hein, qui continue aujourd'hui dans l'islam et un petit peu dans le rap aussi, c'est quand même un genre à risque, parce que ça peut être vite monotone. Jamais j'ai écouté, hein, à cause des choses de composition que je vous disais, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va vous tomber dessus, il peut se passer tout à fait autre chose, quelqu'un qui va rentrer dans le poème dire autre chose, etc. La guerre, enfin il peut se passer plein de choses, il y a plein de mouvements dans le poème est plein de mouvements. Mais il y a aussi, au micro-niveau, ces phrases exclamatives, ces phrases interrogatives, ces phrases à la deuxième personne, dites-vous, qu'est-ce que vous en pensez, prenez position, etc. Donc, il a à la fois, c'est une de ses réussites, je pense, au point de vue politique, c'est qu'il a une esthétique, sa façon de voir les choses, c'est tout est en contradiction, tout bouge, et tout, il y a plein de choses insupportables, et il faut que ça bouge. Et justement, ça donne un côté dramatique, c'est une sorte de petit théâtre, si vous voulez. Et c'est un côté dramatique qui fait qu'on ne dort pas. Voilà, mais je voulais parler du rire parce que c'est aussi très très important. La poésie militante, elle est quelquefois un peu pénible, tout ça, c'est très pas les pathétiques sérieuses, hein, pendant l'international, hein. Ça n'arrive jamais au bout, hein. C'est pas possible. La poésie militante, et j'ai écouté, il y a des textes sérieux, il y a des textes, beaucoup de textes sérieux, il y a des textes plutôt sérieux, il y a des textes plutôt comiques, mais le plus souvent c'est mélangé. Et il y a plein de mélanges de toutes sortes, hein. Et je pense que les poèmes les plus réussis, les plus originaux de goûter, c'est ceux qui mélangent intimement, et ceux qu'elle a dit, c'était son choix. J'ai pas eu le droit au chapitre, j'avais dû dire ça, mais elle a choisi ce que j'aurais choisi, parce que même temps, on est révolté par le rire. Alors, bien sûr, il y a la satire, on fait rire du maître d'école, on fait rire de tout ça. Mais, au fond, les personnes qui parlent ici, ils ont à la fois la propension, ils sont gays, ils ont, comme beaucoup de populaires, ils sont capables de voir le côté qui fait rire des choses, mais aussi beaucoup d'émotions, les deux. Et comme dit Beaumarchais, hein, dans un texte célèbre, je meurs de tout, de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est un personnage populaire qui dit ça. Donc on fait ça, tant on rit, tant on pleure. Donc un rire qui vit une prise de conscience, hein, parce que quand on met les réunions de son côté, après quand on fait rire des gens, hein, il tire un tour à la fois, un coulé rouge sur les gens qui ne viennent pas, les notables, les gens qui ont le pouvoir. Mais il y a aussi beaucoup d'autodérision. Et ça c'est très moderne, je trouve. Il y a des gens qui souffrent et qui sont capables de rire d'eux-mêmes quand même. Par exemple, le vagabond qui dit « Ah, tiens, il y a du changement, moi, je n'étais pas toujours le même chien qui gueule après moi. Je suis venu l'année dernière, c'est pas le même. Il y en a plein des comme ça. Ah oui, pour un viol, c'est formidable. Pour un viol, je vais juste vous citer vite fait. Les gens peuvent partir de dépêche. Donc, c'est le début d'un poème. C'est quelqu'un qui s'est fait mettre en prison et il raconte comme ça. J'étais quand sa sœur m'a fait foutre dedans, donc quand sa sœur m'a fait foutre en prison, calouche, songeux, cloche-patte et brèche-dent. Et je sors de prison avec la même touche, brèche-dent, cloche-patte, songeux et calouche. On pense que c'est calouche, on s'en fout, mais on va dire qu'il n'est pas bien bon. Et vous voyez, il y a un art de la parole qui est réel à mon avis, hein, si vous parlez avec les gens, les populaires. C'est pas des simples, hein. Ils sont aussi capables que n'importe qui de mettre des mots ensemble. Hein. Mais là, ça passe. Hein. Et donc, et c'est ce qui se passe chez Couté. C'est une façon peut-être de surmonter le malheur, parce que si on arrive à en rire, on a déjà un petit peu gagné. C'est pas la même chose que sur le mot Arthus avec ses gémissements, là, ou bien même tous ces poèmes misérables qui sont des malheureux, les prolétaires, ça va mal, etc. Au bout d'un moment. Donc, si on arrive à en rire un petit peu, c'est très important. Et voilà, bon, je vais peut-être dire deux mots encore. Cette poésie, elle ne peut pas seulement exprimer des sentiments, elle peut agir sur l'auditeur. Il s'agit d'éveiller une prise de conscience de la souffrance, de la frustration, c'est insupportable, mais en même temps, pas seulement ça, donner envie de se battre, donner envie d'écraser ces obstacles, susciter la révolte, susciter la rage devant l'injustice, susciter un puissant désir de bonheur. Le bonheur, il est là. Il est aussi dans les poèmes de Couté, hein, les matins magnifiques, etc., la nature. Susciter un désir de bonheur, de plaisir et de joie. Et dans cette perspective, donc, le rire joue un rôle très important. Parce que faut pas oublier qu'il y a le bonheur, il est à notre portée, même s'il y a tous ces obstacles. Et juste en deux mots, donc, très important, mais j'en dirais vraiment que deux mots, et il faudrait encore une autre conférence, les images magnifiques, bon, on en a entendu quelques-unes. C'est plein d'images qui nous font voir les choses. Il pétrit à même les petites cervelles molles. Hein. Rien que ça, si on se rappelle que ça. Hein. Il verse son encre sur les fraîches menottes, etc. Là, il crucifie les vierges et les putains. Là, il est crucifié. Voilà. Donc, énormément d'images qui font que c'est jamais, jamais, jamais abstrait. C'est des idées, mais elles ne sont jamais sous la forme d'idées. Et encore une fois, bien sûr, du point de vue de la représentation des petits gens, c'est eux qui emploient ces images. Ils emploient un langage magnifique et ça change l'image qu'on peut avoir d'eux, de gens un petit peu simples et de choses. Et l'autre extraordinaire qualité poétique de Couté, je crois, c'est qu'il travaille aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup, et ça, faudrait que je dise une autre conférence sur le rythme et le son, sur tout ce qui est sonore. Bien sûr, il écrit aussi des chansons, mais il a un sens du rythme qui est magnifique. C'est pour ça que ses poèmes ne sont jamais ennuyeux. C'est un peu comme des morceaux de musique, mais ça ne se déroule pas comme dans les chansons, bien sûr, ça se déroule toujours pareil, mais pas long. Mais dans les poèmes longs en particulier, il y a comme des mouvements de musique, il y a du long, il y a du court, c'est interrompu, ça repart, etc. Il a un sens du son aussi. Plusieurs choses, il a un sens des maximes qui sont formidables. Il faudrait que je mange puisque j'ai faim. Il y en a plein des maximes qu'on se rappelle comme ça. Donc les gens doivent avoir une sagesse. Il faut se rappeler qu'à l'école, et ça existe peut-être encore, à l'école de Jules Ferry, on apprenait beaucoup hein, de maximes par cœur, de l'instruction et la grandeur des nations, etc. c'est la morale du matin, sur le tableau. Voilà, la morale de matin. Écoutez, il fait donc des anti-maximes qui sont très faciles à mélanger. Elles sont, c'est-à-dire qui tiennent debout, là. Je suis peut-être sous mes logiques. Voilà. C'est pas mal comme morale. J'en ai eu deux, là. Oui, je suis très sous mes logiques, là. Il y en a plein. À l'avenir, le vin, le vrai jeu de la taille, ça sera pour si là, il y aura des aigus. Pacifiste, là. Je m'en convainc sans qu'on nous tue. Oui. Ou alors, c'est pas ça, c'est pas une maxime, mais c'est pour comprendre ce qui se passe quand on va chez les filles. Et les gars, ça fait 20 chers et pas les 20 mois que les filles de cheveux voudraient donner pour un vin. Parce qu'il faut se rappeler, donc il a un sens de la maxime qui est très très fort. Et une dernière chose, peut-être, il utilise le verre. L'Alexandrin, des verres. Qui sont réservés normalement au roi, aux reines, etc. Il s'en sert et il les met, il y avait des verres magnifiques dans la bouche de petites chambres qui devraient normalement se taire. Ils n'ont droit que de se taire, et bien j'écoutais, ils parlent et ils sont voilà. Voilà. Eh bien, magnifique. Ça fait plaisir, un enthousiasme. Comment Marie Paul nous dit un poème peut-être? Je voulais vous faire entendre un magnifique poème qui est en chanson, cantique païen, donc c'est bien toujours compté avec ses contradictions, c'est un cantique parce qu'il sentait qu'il n'en avait plus pour très longtemps et il voulait retourner chez lui. Et donc voilà, c'est ça, c'est terre, je reviens vers toi. Il y a un ami à moi, donc Michel Desproges, qui a fait une très très belle musique et je trouve qu'il fait une très belle interprétation de ce cantique païen. Mais avant ça, je voulais dire une chose dont vous ne nous avez pas parlé, qui me semble importante chez Fouquet, c'est l'amour qu'il a de son terroir, des gens de son terroir. C'est ça, je crois, qui transparaît dans tout ce qu'il écrit. C'est cet amour profond qu'il a. Pas tous quand même, hein. Non, pas tous, mais quand même, les propriétaires, mais quand même, malgré ce qu'il dit, on sent qu'il aime cette terre et qu'il aime les gens qui sont dessus, qui vivent sur cette terre. Je suis d'accord avec vous, mais pas pour tout le monde. Il aime ceux qui ont du mal. Ouais. Pas tous les paysans. C'est-à-dire pour lui, la catégorie paysan, elle doit vraiment être beaucoup, beaucoup affinée, quoi. Il aime ceux qui souffrent, mais il n'aime pas ceux qui font souffrir. Il y a les gens qui sont à la campagne. Ok. Allez. Pas de chercher là-haut, là-bas. Ce que je ne trouve pas. Je reviens des fleurs, dont le sang coule dans mon sang, et dans le grand cœur caressant, aujourd'hui ma peine. Notre-Dame d'Issillon, avant de Sainte-Vierge à moi, Notre-Dame d'Issillon, dont les anges sont les grillons, au-dessus des rois où je suis né, je reviens pour me prosterner devant les miracles, de faire dont les chansons fâles, de notre pain, pour les femmes des pâques. Notre-Dame de Sion, avant de Sainte-Vierge à moi. Notre-Dame de Sion, dont les anges sont les grillons, pour terre. Je reviens vers toi. Je reviens parmi les guérins, pour gonfler de son souffle frais. Ma choisie infâme, et pour sentir au sein du soir, son âme comme un reposoir, sauf déjà mon âme. Notre-Dame de Sion, avant de Sainte-Vierge à moi. Notre-Dame de Sion, dont les anges ont les grillons. Je reviens vers toi. Je reviens ayant rejeté mes noirs mouvements de révolté, mes haines de jade. Pour que sa grâce arrive en moi, comme le gai que l'on reçoit. Notre-Dame de Sion, avant de Sainte-Vierge à moi. Notre-Dame de Sion, dans les anges sont les grillons, pour terre. Je reviens vers toi. Donc le bouquin de, d'Elisabeth est en vente ici, il y a un CD, il y a beaucoup de textes. Je n'ai pas du tout obligé d'acheter, je ne gagne absolument pas. 23. Je lui ai dit, ni je gagne, ni je gagne. Ah, mais c'est pas pour ça, c'est pas pour ça, il y a des décès. C'est pas pour ça, c'est pas pour ça, il y a des décès. C'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Pouvez vous tutoyer? Comment? J'avais un peu qui parle de la même question.